chapitre 2. On va commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, tu es un Dieu qui règne dans le monde. C'est un Dieu qui est souverain dans le monde. C'est un Dieu qui, avant que ce monde commence, avait déjà un plan. Et ton plan se déroule afin que tu sois glorifié. Autant individuellement que pour ton Église. Donc, puisses-tu, Seigneur, pendant les moments qui viennent, on peut se regarder. Et surtout dans les moments où on est troublé par les événements, il est bon de s'arrêter et regarder aux Écritures, qu'est-ce que tu dis. Parce qu'on a tendance à aller dans toutes les directions, mais ta parole ne change pas, ta parole est la même. Donc, qu'on puisse, Seigneur, autant pour nous que pour notre frère Gaétan et Céline, qu'ils puissent tourner leur regard vers Dieu par les Écritures, les promesses, les vérités que tu as, avec lesquelles ils vont s'accrocher pour traverser ces moments avec la foi ou avec la joie qui vient de Dieu. Puisses-tu, Seigneur, transformer nos cœurs, nos pensées, afin qu'ils soient comme tu le désires et qu'on puisse te glorifier. Amen. Thessaloniciens. On a vu jusqu'à date que l'Église a commencé au milieu de ce que Paul appelle bien des tribulations, bien des calamités, des fois il va dire des combats, des fois il va dire à travers beaucoup de mots. Et c'est pour Paul, la façon qu'il parle, ça semble être son quotidien. Pour lui, c'est, il n'a pas connu autre chose. Dans la vie chrétienne, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que lui voit ça. Et c'est comme ça qu'il, même s'il le sait, même si c'est son expérience de la vie, de la vie chrétienne, de ville en ville, et qu'il a eu des problèmes, des tribulations, civilisé sa vie dans 2 Corinthiens, il parle de fouet, de lapidation, on l'a laissé pour mort. Il a vécu une vie pas mal spécial en tant que croyant. Mais malgré cela, il nous a dit au chapitre 2, en chaque ville, je suis obligé d'aller auprès de Dieu, prendre de l'assurance pour pouvoir continuer. C'est drôle, hein? Tu peux pas demander de l'assurance une fois que tu l'as pour toute ta vie chrétienne. C'est comme à tous les jours que tu en as besoin. C'est comme la manne. Il faut que tu en aies ramassé tous les jours si tu veux continuer. Donc l'apôtre Paul, entre l'Église, entre Philippe et Thessalonique, Paul, Silas, Timothée vont probablement, comme l'être humain général, va s'asseoir, vont prier ensemble, vont s'encourager, et ils vont probablement parler en marchant, s'en allant. Et j'ai regardé sur une carte pour savoir comment il y avait de kilomètres entre Philippe et Thessalonique, entre 200 et 250 kilomètres qu'il y avait à faire. Donc ça veut dire quelques journées, au moins une bonne semaine, je dirais, si tout va bien. Donc, ils ont eu le temps de se parler, s'encourager, se rappeler des vérités. Et je crois, personnellement, je crois que c'est une des raisons qui parle si souvent du retour du Seigneur. Ils se sont encouragés avec il y a une lumière au bout du tunnel. Ça a une fin, ça, ces choses-là. Il était un vendredi, il m'écrit, il dit, hey, François, il dit, il m'en reste juste 19 traitements. Un passé, il m'en reste juste 19. Waouh! Il voit une lumière au bout du tunnel. C'est pas le restant de ma vie. C'est oui, là, il y a ça, mais dans un mois, c'est fini. Donc, c'est ce qu'on appelle l'espoir au bout du tunnel. Et l'apôtre Paul était un peu comme ça. Puis, il va en reparler aujourd'hui, il va en reparler dans les autres chapitres. Il y a une fin à cela. Et la fin est glorieuse, la fin est merveilleuse. Donc, c'est l'encouragement. Donc, on a pris de l'assurance, Puis la raison pour prendre l'assurance, c'est pour vous annoncer l'Évangile. C'est drôle, hein? Ce n'est pas « j'ai besoin d'assurance pour avoir du courage, pour arrêter de trembler. » C'est pas que je veux avoir de l'audace, que je veux confronter les gens. Il dit « je prends de l'assurance en Dieu pour pouvoir annoncer l'Évangile. » Je crois que c'est le défi de l'Église d'annoncer l'Évangile et de garder l'Évangile au milieu de bien des difficultés. L'Église a tendance à abandonner l'Évangile, changer l'Évangile, transformer l'Évangile pour diminuer les tribulations, les difficultés que ça cause. Donc c'est l'apôtre Paul qui a besoin, donc il le fait. C'est parce que c'est la seule façon que j'ai de plaire à mon Dieu. La seule façon que j'ai de plaire à Dieu, c'est d'annoncer l'Évangile de Dieu. Si je change l'Évangile, je ne plais plus à mon Dieu, je vais plaire aux hommes en faisant ça. Et c'est la raison pourquoi l'Église a tendance à changer l'Évangile, c'est pour plaire aux hommes. Donc si je plais aux hommes, automatiquement, je suis moins persécuté, j'ai moins de difficultés. C'est comme ça que ça se passe. Donc l'apôtre Paul dit ça au début du chapitre 2, puis ensuite, dans le milieu du chapitre, il va parler de qu'est-ce qu'il a fait rendu là-bas. Dans les quatre premiers versets, il parle « Entre Philippe et Thessalonique, voici ce que j'ai fait. » À partir du verset 5 jusqu'au verset 13, je pense, verset 12, il parle de ce qu'il a fait là, à Thessalonique. Il raconte comment il a été une mère pour eux autres, et comment il a été un père pour eux autres, et comment il les a encouragés à rester attachés à la foi, à rester attachés à l'Évangile du royaume de Dieu. Parce qu'il dit à la fin, au verset 12, il dit, je vous ai exhorté, je vous ai consolé, je vous ai conjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc, les quelques mois qu'il a été là avec eux autres, c'est ce qu'il a fait avec eux autres. Il les a exhortés, consolés, conjurés de marcher d'une manière digne. Et je crois que c'est, quand vous lisez les Épîtres de Paul, vous regardez les Actes des Apôtres, c'est ce que Paul fait tout le temps avec les églises. Encourager, consoler, exhorter, conjurer, des fois c'est commander de marcher d'une manière digne de Dieu. Marcher d'une manière digne de Dieu ici, c'est marcher selon l'Évangile de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc, on va en parler un peu plus sur le chapitre 3 et 4 de cette marche chrétienne, mais le mot en anglais, digne de Dieu, c'est le mot que tout le monde connaît, c'est devenu un jargon québécois, fité. Tu sais, quand tu cherches un tarot en français, tu cherches un tarot, il faut qu'elle fit avec la boîte. Donc, il dit, il faut que vous ayez une vie qui fit avec l'Évangile que vous annoncez. Donc, il ne faut pas que vous avez déjà essayé ça, prenez un tarot, puis c'est pas le bon filet dedans, d'essayer de visser ça, ça ne veut pas visser, ça ne fit pas ensemble. Des fois, la vie qu'on fait, puis l'Évangile qu'on annonce, il peut avoir une discordance, et l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas que ça soit comme ça, il ne faut pas qu'il y ait une discordance entre les deux. Et ensuite, on a vu que, au verset 13 jusqu'au verset 16, il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu qu'en recevant la parole de Dieu, la parole que je vous ai annoncée, vous l'avez reçue comme la parole de Dieu. Et elle a agi en vous, et vous êtes devenus les imitateurs des églises de la Judée ou d'Israël, des Juifs de Jérusalem. Donc, il dit, les Juifs qui sont convertis, parce que c'est les Juifs qui ont emmené l'Évangile. Paul est un juif, c'est les juifs qui ont mis l'Évangile dans l'Empire romain. Ça a commencé chez eux. Ils sont devenus les instruments. Donc, il dit, les juifs qui ont reçu l'Évangile, ils l'ont reçu au milieu des tribulations, puis ils l'ont adopté, puis ils l'ont cru, puis ils sont allés la partager. Mais il dit, vous avez fait la même chose. Vous avez entendu l'Évangile au milieu des tribulations, vous l'avez cru, vous l'avez reçu, et vous avez quand même continuer à vouloir la proclamer à d'autres personnes, ça vous a atteint, vous autres, les Thessaloniciens, des années plus tard. Donc, il y a un pattern dans toutes les églises, dans tous les siècles, dans tous les temps. C'est comme ça que ça se passe en général. Et vous allez, si vous étudiez l'histoire de l'Église, vous allez voir des vagues, des fois plus ou moins fortes. Mais quand on arrive vers la fin, je vous parle souvent de vers la fin du 150 ans, du 200 ans, vous allez voir, quand vous lisez, vous allez voir les tribulations font ça, puis là, ils arrêtent. On ne prêche plus l'Évangile, on est en train de mourir. Donc, au début, là, les tribulations sont fortes, puis ça se met à descendre parce qu'on ne prêche plus l'Évangile. L'Église meurt. Ça recommence, ça repart, les tribulations recommencent, ça fait encore un bout, ça redescend. Aussitôt qu'on change l'Évangile, les tribulations baissent, jusqu'au point que c'est fini. Même, je regarde aujourd'hui aux États-Unis, on a l'impression aux États-Unis qu'on pourrait se mettre un président chrétien qui va régner sur l'Empire américain. On pense que ça peut se vivre, ça. Ça peut pas se vivre, non? Ça peut pas, non? La masse humaine ne va pas voter pour quelqu'un qui parle de Dieu, qui prêche pour Dieu, qui prêche pour la vérité. Ça se peut pas, là. Mais les autres, ils le croient, les autres sont comme nous. Ils sont tellement nombreux qui se disent chrétiens qu'ils ont une espèce de contrôle sur la masse, une espèce de contrôle sur les lois, une espèce de contrôle sur ce qui se passe. Et donc, mais en faisant cela, les prédicateurs, eux autres, du haut de la chair, ils sont en train de dire que l'Église est en train de mourir aux États-Unis. Donc, MacArthur disait ça dernièrement dans ses podcasts. Il dit l'Évangile, il dit les Églises américaines, il dit c'est moyen. Jour en jour de l'Évangile. C'est drôle qu'ils le voient, là, puis ils savent qu'ils ne pourront rien faire. Ah, va mourir. Tu essaies de ressusciter quelque chose qui ne va pas, va flacamer, puis que papa va partir au côté. C'est ça qu'on a vu depuis 2000 ans. C'est ça fait tout le temps. J'avais demandé à mon prof qui avait enseigné ça la première fois, ça s'appelait Malcolm. J'ai dit, Marco, il n'y a pas un moyen d'arrêter ce cycle de fou-là. J'ai dit, à 150 ans, 200 ans, ça va. Il dit, si tu trouves un moyen, franchement, écris un livre, tu vas faire de l'argent. Il dit, on essaye depuis 2000 ans de trouver une solution, puis ça ne marche pas. Il doit y avoir des petites églises anonymes, mettons, Des gens. Comme des églises. Non, ça. Ils n'ont pas ça? Non. L'église. Toutes les églises en général, tu peux te sortir 2-3 chrétiens, 4-5 chrétiens, c'était là, tu vois. Ça, parce qu'il faut qu'elle continue, parce qu'elle a continué, donc ça veut dire qu'il y en a qui gardent la foi. Mais de façon générale, on parle de l'église presbytérienne, ou l'église anglicane, ou l'église wesleyenne, l'église luthérienne, toutes les églises qui étaient évangéliques des années 1700, 1800, sont toutes mortes aujourd'hui. Ces églises-là ne prêchent plus l'évangile par ça. Là. Donc, c'est terminé, ça marche. Est-ce que les gens continuent à aller dans le bâtiment? Souvent, oui. Souvent, c'est ça. Quand Richard et Rebecca étaient à Saint-Eustache, ils ont acheté le bâtiment d'une ancienne église, les églises unies. Ils se réunissaient encore, mais c'était tout mort. Il n'y avait plus rien là qui était évangélique, vraiment, avec la foi. Donc, l'apôtre Paul, il dit. J'ai vu ce que vous faisiez, mais en même temps, je sais que ce n'est pas quelque chose qui est permanent, c'est quelque chose qu'il faut être conscient. Hier, je parlais avec des gens, on parlait de la foi, puis une jeune qui dit ouais, là, mais elle dit là, tu es en train de tout me troubler, mais je ne sais plus ce que je crois finalement. Je dis ça ne devrait pas. Si c'est l'Évangile que je prêche, pourquoi tu es troublé? C'est parce qu'elle voyait que ça ne fait pas avec ce que moi je vis, ce que moi j'entends. Donc, mais ce qu'on veut, c'est dit qu'apôtre Paul, il a dit à Timothée, dans les derniers jours, les gens vont se nommer des enseignants qui leur font plaisir. C'est ce qu'ils veulent entendre. Ils vont se nommer des gens qui les enseignent. Dis-nous ce qu'on aime entendre, puis ça va bien aller. Tout va bien aller, ça va bien aller. Mais c'est pas fait, t'as fait. Pas dit. Donc, là, on va voir que ce que Paul nous a dit du chapitre 2, verset 1 jusqu'à 16, c'est avant que Timothée aille. Là, lui, de 2, dans le chapitre 2, il raconte son expérience qu'il a vécue avec l'Église de Thessalonique. Voici ce que j'ai fait avant d'arriver. Voici ce que j'ai fait quand vous étiez là. Voici ce que je fais. Je rends grâce à Dieu. Là, il parle de son expérience personnelle avec l'Église. Maintenant, à partir du verset 17, il parle encore de son expérience, mais il voudrait vivre quelque chose avec eux autres qu'il ne peut pas vivre. On va le voir ensemble. Et ça le trouble. Le fait qu'il ne peut pas aller vers l'Église des Thessaloniciens, ça le trouble et ça l'amène à craindre le pire, ce qu'il va dire un peu plus loin. J'avais peur que vous ayez abandonné la foi à cause des tribulations et que Satan vous ait tenté et que je t'ai travaillé en vain. Ça, c'est. Paul ne dit pas ça juste à l'église de Thessalonique. Si vous lisez les différentes épîtres, il va le dire à plusieurs églises. Est-ce que j'ai travaillé en vain? Est-ce que j'ai travaillé en vain? Est-ce que vous avez abandonné? Est-ce que vous avez travaillé? C'est drôle, hein? On est là à peu près 20 ans, 25 ans après le début de l'Église. Puis on va arriver à. Paul va écrire d'autres lettres. C'est dans de 30, 35 ans, 40 ans. Et l'Église est déjà en train de laisser tomber. Elle est déjà en train d'abandonner la foi. Paul va dire qu'il y a des gens avec lui, qui travaillent avec lui dans son cercle plus intime. Il m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Démas m'a abandonné, l'autre m'a abandonné, l'autre est parti pour le siècle présent. Ça tombait comme des mouches, on aurait dit des fois quand on lit. C'est comme si. C'est pas à cause que Paul avait abandonné l'Évangile. Non, pourtant, il y en a qui abandonnent autour de lui. Donc, c'est vraiment. La vie chrétienne, c'est une lutte. C'est une lutte contre la chair. C'est une lutte contre ce désir de la chair. Je parlais avec Richard, je disais, on ne se méfie pas. On n'a pas l'impression qu'on est en danger. On n'a pas l'impression qu'on est en danger. Et qu'il y a un risque d'abandon, qu'il y a un risque de s'éloigner de l'Évangile de Dieu. Donc, quand on pense qu'il n'y a pas de danger, ben on ne se protège pas, n'est-ce pas? Mais quand on pense qu'il y a un danger, on se met à barrer les portes, on met des alarmes, on fait toutes sortes d'affaires parce qu'on pense qu'il peut y avoir un danger, on agit en conséquence. Mais c'est un peu pareil. Là, on va voir, l'apôtre Paul, malgré qu'il dit, verset 13 à 16, malgré qu'il dit, je rends grâce à Dieu parce que vous avez imité les églises de Jérusalem, verset 17, il va continuer, puis il va agir en conséquence. On va finir le chapitre 2, puis on va commencer le chapitre 3. Puis il y a un verset, il y a un mot qui revient à plusieurs reprises dans le chapitre 3, c'est je voudrais vous affermir. Je voudrais vous affermir. Afin que vous alliez jusqu'à la fin. Puisque vous marchez jusqu'à la fin. Je voudrais vous affermir. J'avais fait une étude à un moment donné personnelle pour moi. Dans les Actes des Apôtres, sur le mot fortifie. Et à quel point Paul, ça le préoccupait de fortifier les chrétiens, fortifier les églises. Donc, c'est pourquoi il y avait cette tendance, pourquoi il voulait ça. Lui, de toujours fortifier les gens. Hier, on est allé chercher notre petit-fils, puis il dit, oh, ce que tu as fait, toi, oh, j'ai fait la musculation. Il dit, oh, lève ton manteau que je vois si ça paraît. Ouais. C'est pas encore tout à fait, c'est pas encore beaucoup, là. Mais il voulait se fortifier, lui. Puis il dit, on a fait du jogging. J'ai dit, as-tu envie de devenir un athlète? Et j'aimerais ça, devenir un athlète. OK. 13-14 ans, un petit gars de 13-14 ans, ça va tout devenir des enfants. Surtout quand t'es petit, maigrichon, tu veux devenir un enfant. Quand tu l'es déjà, c'est pas ton rêve. C'est lui, ça détend aussi. Ben, c'est tout des. À 13-14 ans, on est tous des échevelettes. On a grandi, on n'est pas gros. Là. En 13-14, à 15-16-17 ans, on se met un peu de masse musculaire. On va lire à partir du verset 17 jusqu'à 20. On va commencer avec Michel. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Donc l'apôtre Paul, malgré ce qu'il a vécu avec eux pendant les quelques mois qu'il était là, il comprend, il sait par expérience, je crois, que ce qu'avait vécu lui. Des fois, on ne pense pas, mais l'apôtre Paul, c'est un jeune chrétien encore. Là. Quand Paul écrit ça, il était plus jeune chrétien que nous autres ici. Là. Il n'avait pas plus que 15 ans de vie chrétienne, Paul. Nous, on a 40, moi, j'ai 45 ans de vie chrétienne. Il parle, tu n'as pas l'impression qu'il a juste 15 ans de vie chrétienne, le gars. Tu sais, on a l'impression que ça fait 15 ans, ça fait 50 ans qu'il est chrétien. On pense que c'est ça, mais c'est fait. Il s'est converti des années 35, on est des années 50. Ça fait juste 15 ans, là, c'est un jeune chrétien. Puis son deuxième voyage missionnaire, c'est ça qu'il fait, le gars-là. C'est-à-dire qu'il est parti comme missionnaire, ça faisait pas longtemps qu'il était chrétien, le gars. Là. Son premier voyage missionnaire, là, ça faisait peut-être 4-5 ans qu'il était chrétien. Il est parti, puis il est allé évangéliser les provinces de l'Empire romain. Donc, tu me dis, ah, ouais. Et là, il est revenu, puis il est reparti à un deuxième voyage missionnaire. Puis tu te dis, mais il y a une forme d'expérience qu'il a vécue ou de connaissance qui le pousse. Il dit, même si je ne vous vois pas avec mes yeux, mon cœur est avec vous. Mon cœur est avec vous. Et j'ai un vif désir, c'est d'aller vous voir. On va voir au chapitre 3 pourquoi il veut aller les voir. Mais il y a un vif désir d'aller les voir. Il dit, du moins, moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan m'en empêche. Donc Satan était, c'est, on a parlé tout à l'heure, des fois on croit qu'on n'est pas en danger, mais on a un ennemi qui lui est là, lui, son désir à lui, c'est d'arrêter l'Église, d'arrêter le mouvement d'évangélisation, d'arrêter le mouvement missionnaire, ou comme Paul. Satan a un désir, c'est pas la gloire de Dieu, là. Donc, comment est-ce que Paul est venu à dire cela? C'est pas tout le monde qui est d'accord. Mais il l'a dit. Satan m'en a empêché. Donc, lui a vu d'une façon quelconque. La plupart pensent que c'est à cause des tribulations ou du danger de mort qui le guettait. C'était pour ça qu'il était parti de Thessalonique. Tu sais, qui était parti à cause si on le pognait, on voulait le faire mourir, on voulait le persécuter, on voulait l'arrêter. Donc il est parti, puis je ne sais pas s'il croit que ne retourne pas tout de suite, tu vas être encore en danger de mort si tu retournes. Ça, retourne pas là, tu vas te mettre en danger encore une fois. C'est tout ça. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'a pas pu y aller. Donc il y en a qui croient que c'est la tribulation. Mais actuellement, Paul ne fuit pas les tribulations, mais en même temps, il est assez intelligent pour fuir la mort. Il ne fait pas exprès non plus s'en aller et dire « Ah ouais, lapidez-moi, là, je veux mourir pour le Seigneur Jésus. » Il n'est pas de même non plus. Là. Okay? Lui ici, il est assez intelligent pour quitter une ville si les roches commencent à voler tout autour de lui. Il est assez intelligent pour se tasser. Je reviendrai un peu plus tard. Mais le désir qu'il a, et c'est ça qu'il veut qu'on a, qui veut que l'Église sache. Est-ce que c'était important que l'Église de Thessalonique sache que Paul voulait revenir? Je crois que oui. Comme des enfants ou des parents, que tu sais que l'autre voudrait venir, mais il ne peut pas venir, d'une forme de consolation, d'une forme d'encouragement. Juste le fait de savoir que l'autre voudrait venir, mais il ne peut pas venir à cause de. Donc là, il leur dit, si je ne suis pas allé vous voir, je voulais y aller deux fois, j'ai voulu y aller vous voir pour faire des choses avec vous, mais Satan m'en a empêché. Donc, ils ont compris que ce n'était pas un manque d'affection, un manque de compassion, de miséricorde qu'il y avait envers nous autres, un manque de fardeau pour l'Église qui avait commencé, lui, mais c'était plutôt un empêchement du côté spirituel avec Satan, ou persécution, peu importe. Mais il est con. Oui. Est-ce que, pour que Paul dise qu'il a été empêché par Satan, c'est-tu parce que quand il est l'apôtre des inconvertis, fait que Dieu a donné ce ministère-là pour atteindre les inconvertis? Non. Puis que, non, Satan est encore là aujourd'hui. Satan fait encore la même chose avec l'Église aujourd'hui. Parce qu'il ne dit non, pas. Mais je veux dire, c'est lui qui établit les églises. Oui, mais lui, il ne dit pas moi, nous en empêchons. Donc, ce n'est pas lui tout seul. Okay? Donc, il nous a empêchés. Donc, ça veut dire qu'il parle probablement de Silas et de Timothée pour le moment. Mais finalement, il va se passer du temps parce que finalement, il va envoyer Timothée au chapitre 2. Donc, finalement, il y a quelqu'un qui peut y aller. Là. Mais lui, il ne va pas. Il envoie Timothée à la place. Mais il est rendu plus loin. Parce qu'on voit que de Thessalonique est parti à Béré. De Béré, il est allé à Athènes. Donc, je crois que c'est plus tard, peut-être un mois, deux mois plus tard, il va envoyer. Mais là, il y a déjà une autre église de commencer à Béré, puis il y a déjà une autre église de commencer. Fait que là, il va-tu lâcher cette jeune église-là pour l'occuper d'une autre église? Là, il va déléguer plutôt Timothée. Donc, mais il dit, je veux vraiment aller le voir, mais je ne peux pas. Mais regardez bien la raison pourquoi il veut tellement aller les voir. Verset 19. Satan m'en a empêché, mais on va voir au chapitre 3, je prie jour et nuit que je puisse y aller. Donc, il y a encore un désir de pouvoir y aller au chapitre 3. Mais pour le moment, il n'en parle pas ici. Mais au verset 19, il dit, quel est en effet, pourquoi je veux faire ça, pourquoi je veux aller? Il dit, en effet, vous êtes notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Donc, qu'est-ce qu'il parle là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'il dit, c'est la raison pourquoi il veut y aller. Parce que moi j'ai le mot en effet, c'est une proposition qui me dit, c'est pour ça que je voudrais y aller vous voir. Parce que vous êtes notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire. C'est pour ça qu'on veut y aller au jour du Seigneur. Donc là, il parle de quelque chose qui va se passer au jour du Seigneur. Je lisais cette semaine des interprétations, des textes de ça à travers l'histoire de l'Église et ça va dans toutes les couleurs. Hein? L'arc-en-ciel est là. Puis beaucoup d'enseignants partent avec Paul veut une couronne de plus, une couronne qu'il va recevoir parce qu'il a évangélisé, qu'il a parti des missions, puis s'est impliqué, puis il a fonctionné. Donc, il y a beaucoup qui vont dans cette direction-là de couronne. Et mais qu'est-ce qu'il veut dire ici? Parce que vous avez remarqué qu'au verset 20, verset 19, il parle d'espérance, de joie, de couronne lors du retour du Seigneur, mais au verset 20, il parle au présent. Vous êtes notre gloire et notre joie maintenant. Donc, il parle que vous l'êtes déjà, mais j'aimerais aussi que vous soyez au retour du Seigneur. Donc, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que c'est pas un langage qu'on emploie souvent pour nous autres-mêmes. C'est vous êtes, t'es mon espérance au jour du Seigneur, t'es ma joie au retour du Seigneur, t'es ma couronne de gloire au jour du Seigneur. On a un peu peur, ça paraît un peu comme vaniteux, orgueilleux, ou que Dieu va lui donner quelque chose quand il va arriver autour du Seigneur. Satan, une forme de paye, une forme de récompense. Il y en a qui pensent ça, vraiment. Chez les croyants avec qui j'ai parlé pour question de couronne, question de récompense, ceux à qui j'ai parlé à travers les années, une des grandes vérités, je pourrais dire des grandes, de leurs pensées, de leurs idées, pourquoi ils croient ça? C'est qu'ils ne peuvent pas croire que Dieu va récompenser tous les chrétiens de la même façon. Il y a des chrétiens qui font à peu près rien, mais des chrétiens qui sont très impliqués, que Dieu leur donne la même chose dans l'éternité, c'est comme inconcevable dans leur tête. Ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est-à-dire, si c'est ça, disons, on reste tout assis sur notre cul, on ne fait rien par ça. Si c'est ça, pourquoi qu'on se travaillerait? Pourquoi je travaillerais plus qu'un autre? Ça donne à ce moment-là, tes motivations de le faire sont pas très bonnes. Puis si, est-ce que c'est pas un peu égal comme. C'est aussi, je comprends que c'est dur à prendre probablement, autant que de dire que le salut est gratuit, là, puis que c'est rien que la foi, tu sais, puis qu'il n'y a pas rien à faire là, pour obtenir le salut. C'est sûr que c'est deux choses peut-être qui sont difficiles à accepter en tant que chrétien. Là. Mais c'est juste une pensée qu'ils ont. Puis il y a des textes comme ici qui parlent de couronne, de récompense, qui parlent. Donc, ils disent, la Bible semble dire que Dieu va récompenser. J'écoutais John Piper il n'y a pas tellement longtemps, il croit ça, Dieu va le faire. MacArthur croit ça, Dieu va le faire aussi. Donc, c'est des gens qui ont une certaine expérience d'être chrétien, d'une connaissance, mais pourtant, ils croient, eux autres aussi. Donc, puis, vous voyez, la première heure, la dernière heure. Oui, mais ça, c'était pour les inconvertis. Ils parlent à des inconvertis dans les évangiles, ils ne parlent pas à l'Église, à des croyants. Donc, c'est... Mais ceux qui venaient de la première heure, est-ce que c'était des croyants ou c'est juste un enseignement? C'est un principe, parce qu'il y a des gens qui croyaient que tu méritais ton salut. Tu méritais ton salut par les œuvres, par la loi. Puis Jésus dit non. Ok, c'est à ça que ça implique. Non, c'est parce que Jésus s'adresse à des non-croyants qui sont là en argument avec lui. Dieu leur donne une parabole pour leur faire comprendre que c'est pas de même que ça marche. C'est pas de même que lui évalue les choses. Ça, on ne pourrait pas le mettre avec ça? Hein? On ne pourrait pas l'utiliser avec ça? Non, je pense que vous êtes avec des gens qui... Jésus est en train... Parce que dans la parabole, c'est la remise en question, c'est est-ce que vous êtes... Vous comprenez pas que je suis le miséricordieux et grâce. Il parle de lui, il ne parle pas des gens qui travaillent. Il ne parle pas des ouvriers. Les ouvriers n'ont pas d'importance dans la parabole. C'est que lui, vous ne comprenez pas à quel point je suis gracieux, je suis miséricordieux. Moi, c'est pour ça que vous commencez à argumenter. Donc, vous commencez à argumenter que celui qui a travaillé toute la journée devrait en avoir plus. Lui, maintenant, c'est comme ça que vous pensez, vous autres. Vous ne me connaissez pas, moi. Moi, je ne suis pas comme ça. Là. Moi, je peux donner plein de récompenses à quelqu'un qui a travaillé avec un heure parce que je suis bon. Est-ce que vous êtes en colère parce que je suis bon? C'est une part de lui, là. Nous, on a tendance à transférer ça sur les ouvriers. Puis, c'est pas ça le but de la parabole. Puis ici, l'apôtre Paul, c'est que... Des fois, on interprète le verset en pensant ça ne peut pas vouloir dire ça. Puis là, on dit, c'est pas ça, parce que c'est pas, mais on ne trouve pas une réponse vraiment, c'est qu'est-ce que ça veut dire, mais on dit, on a un préacquis que ça ne peut pas vouloir dire ça. Donc, mais là, s'il parle de couronne, il n'y a pas juste le mot couronne. Ceux qui veulent voir couronne, c'est parce que c'est ce qu'ils veulent voir, parce que tu as d'autres mots aussi. Tu as joie, tu as espérance. Mm-hmm. C'est pas juste couronne, c'est une question qu'il pose. Donc, ben, il le dit au verset 20. Oui, oui, il l'est. Exactement. Donc, il répond à la question. En réalité, c'est comme il est en train de dire, en effet, dans le fond, là, notre joie, là, notre espérance, là, pour l'heure du retour du Seigneur, ben, c'est vous. Ben oui, vous l'êtes, notre espérance. C'est ça qu'il dit là, dans cette... Ça veut dire quoi? Il est en train de confirmer que le... Non, j'essaie de comprendre. Il ne faut pas interpréter le texte en disant ça ne peut pas être ça. Il n'y a pas de récompense. Donc, ça ne peut pas être ça. Donc, là, on interprète négativement le verset. La question, ce n'est pas de dire y a-t-il des récompenses ou pas. Notre verset, c'est Paul. Dit ici dans le texte, vous êtes notre espérance. Notre espérance, nous, c'est le retour du Seigneur. Là, ça devient, c'est des chrétiens qui sont espérance. Vous êtes mon espérance. C'est quoi cette affaire-là? C'est Jésus mon espérance, moi. C'est pas les chrétiens. Parce que ça va être aussi la fierté. Tu sais, ta couronne, ton espérance, c'est de la fierté la fierté de ce qu'ils sont devenus maintenant, ce qu'ils vont persévérer à l'aide jusqu'au retour du Seigneur, tu sais, c'est une couronne, c'est une récompense en soi que dans notre cœur de voir que la personne, les gens à qui on a apporté l'Évangile, qu'on suit comme ça pour les amener au Seigneur, pour le retour du Seigneur, qu'on va être là tous ensemble. Moi, après, c'est un peu comme ça que je l'interprétais, je le voyais, sans nécessairement que ce soit s'il y a couronne dans le ciel et récompense, c'est autre chose, tant mieux, c'est pas un grévé. Mais il me semble qu'il y a des gens. Non, mais tu sais, parce que je trouve que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas. En tout cas, moi, des fois, je me dis, je ne suis pas réponse, pas grave, on aurait l'autre bord. Mais ici, le verset 19 et 20, il faut bien se rappeler, qui est en train de dire. D'expliquer ou donner une raison pourquoi il veut tellement aller les voir. C'est ça qu'il dit ici. Okay, là, c'est pas d'expliquer autre chose. Lui, il dit, je voulais tellement aller vous voir deux fois, certains m'ont empêché. Mais la raison pourquoi, c'est parce que vous êtes mon espérance, vous êtes ma joie, vous êtes ma gloire. Donc, c'est pas ça que je veux aller là. C'est, qu'est-ce qui... Ça, Le verset 19 et 20 semble être la motivation pour aller les voir. OK, donc c'est pour se réjouir avec eux. Mais c'est parce qu'il parle du retour du Seigneur. Ah, c'est, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, il rajoute ça, lors de sa venue. Donc, il y a quelque chose qui va se passer lors de son avènement. Puis Paul dans les Épîtres, il fait souvent ce lien-là. Il parle que je pense qu'il y a 4-5 autres places dans le Nouveau Testament qui parlent de même. Vous êtes ma gloire au jour du Seigneur, vous êtes ma joie au jour du Seigneur. Il parle souvent comme ça de part des Corinthiens. Si tu me permets de te lire parole de vie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, notre raison d'espérer, notre joie, c'est vous. Quand notre Seigneur Jésus-Christ reviendra, vous serez pour nous la récompense qu'on donne aux vainqueurs, et devant lui, nous serons fiers de vous. C'est pour ça qu'ils veulent s'accrocher encore plus ou je pense qu'ils désiraient encore plus y aller, peut-être encore plus pour approfondir ou sceller encore plus ce lien-là, continuer à grandir dans la foi, dans l'espérance ensemble. Voilà. Dans le chapitre 3 qu'on va retourner voir dans quelques instants, on va avoir une réponse là, au chapitre 3 de ce qui s'est dit. Parce qu'il va nous dire qu'est-ce qu'il veut aller faire. Donc, ça va se rejoindre. S'il part demain, je veux aller vous voir parce que vous êtes mon espérance, ma joie, ma couronne autour du Seigneur. Vous êtes ma gloire et ma joie. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Melchior? Si c'est ça qu'il veut, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va y aller, qu'est-ce qu'il va faire quand Timothée va y aller? Qu'est-ce qu'il va faire avec eux autres? Il va aller là, je les renforcer pour les aider à persévérer puis à même faire du ménage sur ce qu'ils pensent de plus proche par rapport au retour du Seigneur. À croire encore plus dans la vérité. Ouais. Ça, c'est comme facile comme question que tu poses, là, François. Là. Ça, là, est facile. C'est la même réponse pour toutes les situations. Ouais. Mais l'idée, donc, si c'est réflexif. Comment on peut rejoindre cette réponse facile? Oui. Avec le verset 19 et 20. C'est ça que je cherche le lien, okay? Là. Donc, c'est pour ça que si c'est facile... Il veut y aller parce que lui, en y allant, il sait que ça va amener ça. Mm. C'est ça l'idée, c'est que ça va amener... Il va avoir un résultat au travail qu'il va avoir fait, parce que là, il craint d'avoir travaillé en vain. OK, donc, si on le met une place, j'ai peur de travailler en vain, je veux retourner ici... Pour faire de quoi avec vous, afin que ça va produire ça à la fin. Okay, donc, quand le retour du Seigneur va arriver, on va être là. Donc, il y a un passé, j'ai peur que vous abandonniez, j'aimerais aller vous voir, je ne peux pas aller vous voir. Là, il va parler, je vais envoyer Timothée, parce que je voudrais que ça produise quelque chose. Et j'aimerais que ça... Parce que Paul, je vais le traduire avec des mots, parce que le mot couronne, nous autres, on pense de récompense, mais c'est, si je dirais, j'espère, je veux, je désire que vous soyez là autour du Seigneur aussi quand moi je vais arriver là. Quand le Seigneur va venir me chercher, j'espère vous voir à côté de moi, j'espère que vous allez être là avec moi. Puis je vais avoir de la joie de vous voir là. C'est un désir réalisé. C'est un désir qui va être réalisé. Là, il est espérance. Espérance, ça veut dire que ce n'est pas encore réalisé. J'espère, ce n'est pas là. Mais au retour du Seigneur, si vous êtes là, j'espère plus que vous êtes rendu là, c'est fait. Et là, ma joie va être complète et concrète. Et vous êtes aussi victoire. Couronne, mettez le mot victoire à la place de couronne. Couronne égale victoire. On va avoir vaincu ensemble pour se rendre au bout de la course, pour se rendre au bout de... Vous allez être pour moi une victoire. On va avoir vaincu ensemble Satan, les tentations, les persécutions, le désir d'abandon. On va recevoir une couronne de victoire parce qu'on a vaincu le péché, on a vaincu la mort, on a vaincu le monde, peu importe comment vous voulez le marquer. C'est pas une couronne de plus parce que j'ai travaillé, c'est que c'est une couronne de celui qui a terminé la course. L'apôtre Paul va dire alors. À l'aboutissement. Donc, il dit, j'ai terminé la course, la couronne est bien réservée. Donc, On ne donnait pas de couronne à celui qui n'avait pas terminé la course. Mais celui qui terminait la course, il donnait une couronne. Pas une couronne de qui amplifie, c'est juste qu'on reconnaît que tu as terminé la course, c'est tout. On reconnaît que tu as terminé la course. Et ça, c'est ce qu'on appelle la persévérance en théologie. Si tu as persévéré, tu as une couronne. Tu as une couronne de celui qui a persévéré. Donc l'apôtre Paul, ce qu'il est en train de dire, j'espère, vous, comme les autres, j'espère que vous allez être là autour du Seigneur. J'espère que vous allez être là, on va pouvoir se réjouir ensemble. J'espère qu'on va avoir vaincu ensemble tous les obstacles qui veulent nous empêcher de se rendre à la fin de la course. Et si vous l'êtes déjà présentement, c'est là. Demain, je ne suis pas sûr. Oui, parce qu'il dit, vous êtes mes imitateurs, l'œuvre de votre foi, fait qu'on est déjà pas mal là, mais il espère pouvoir encore se raffermir, y aller pour les raffermir, que ce soit encore plus solide pour le retour, pour être certain qu'il soit là. On va voir, comme je vais aller vous aider pour que vous puissiez vous rendre à la fin. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Si vous êtes là autour du Seigneur, ben, mon espérance va se réaliser, ma joie va être complète. On va recevoir la couronne de victoire ensemble, toute la gagne. Donc, c'est ce qu'on voit. C'est pour ça que l'apôtre Paul veut tellement aller voir les jeunes croyants. C'est parce qu'il sait par expérience, lui, dans sa vie de chrétien de 15 ans, mettons, 20 ans, de vie chrétienne, il sait que lui a eu besoin de ces choses-là pour pouvoir faire son 15 ans ou son 20 ans. Fait qu'il voit les jeunes chrétiens, puis je le sais bien trop. C'est comme les parents, on va dire aux enfants, on le sait, on a de l'âge, là. Faut que tu manges des légumes, faut que tu manges chier, faut que tu te couches. On va leur dire des choses parce qu'on a une expérience qui dit, tu as besoin de ces choses-là si tu veux devenir grand et fort. Mon père, tu manges des carottes, c'est une façon de parler. Paul dit, moi je sais ce que j'ai besoin pour pouvoir continuer. Je vais vous le donner à vous pour pouvoir continuer aussi avec moi. Ça montre qu'on a besoin les uns des autres. Ben oui, on va en parler un peu plus loin dans le chapitre 5. Là on va tourner au chapitre 3. Là on va voir Paul dans ce désir intense, je dirais, d'aller les voir et d'aller les encourager ou les fortifier. Parce qu'il a dit, j'étais comme un père, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher digne cela. Mais là, je ne suis pas là pour le faire. Donc, j'ai peur que vous ne soyez pas capable de le faire. C'est comme un père qui veut son garçon et dit, si je ne vais pas l'aider, il va se décourager et il va arrêter. Fait que le père va aller le rejoindre, sa job, il va essayer de l'aider, l'encourager, pour qu'il puisse continuer sa job jusqu'à la fin. Si je le laisse pas là, il va se décourager, il va abandonner la job. Donc, c'est ça que Paul comprend. Hein? J'ai besoin d'aller les encourager si je veux qu'ils persévèrent. On va voir dans le chapitre 3, on va voir, je vais vous envoyer quelqu'un pour vous affermir, je veux aller vous affermir, puis je prie Dieu pour qu'il vous affermisse. Voulez-vous toute la gang, le panoplie? C'est pas que juste que je prie, c'est que je fais quoi en même temps? Je sais que vous avez quelque chose à faire, mais je prie Dieu que vous fassiez quelque chose. Donc, il part pas dans un extrême ou dans l'autre, il fait juste des choses, puis je prie pas Dieu, mais il voit toutes ces choses-là. Comme je peux dire, je vais prendre un exemple, je peux dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. Si je fais rien, ça ne va pas avoir le même impact. Mais si je vais m'asseoir avec, si je vais parler avec, si je vais prier avec, si je vais prendre un café, si j'envoie quelque chose, ça va bouger. Nous, on a tendance, des fois, on fait une chose, puis on se débarrasse de ça, c'est fini, puis on ne s'en occupe plus. Mais ce n'est pas de même que l'apôtre Paul fonctionnait dans l'Église. Donc, si je veux encourager quelqu'un, je dis, mais, ah ouais, je t'encourage, tu es encouragé, lâche pas là. Je devrais peut-être partir avec mes clics, mes claques, et l'aider. Tu sais. Ça ferait plus que si je dis lâche pas. Et l'apôtre Paul ici, ce désir qu'il a, vu qu'il n'est pas capable de le faire lui-même, il va trouver une solution. pour que ça fonctionne. Okay? Donc, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 5. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Afin que personne ne vienne à vaciller dans les détresses par lesquelles vous passez. Vous savez vous-même qu'elles font partie de notre vie. Lorsque nous étions parmi vous, nous vous avions prévenu que nous aurions à souffrir de nombreuses détresses. Et c'est ce qui est arrivé, vous le savez bien. C'est pourquoi, comme je ne pouvais plus attendre, j'ai envoyé Timothée prendre des nouvelles de votre foi. J'avais peur d'une chose, l'esprit du mal vous avait peut-être tenté, et dans ce cas, nous aurions travaillé pour rien. Voyez-vous, la même idée, c'est qu'il va rejoindre l'espérance, la joie, la couronne de talent. C'est parce qu'il, dans son cœur, dans son intelligence, dans son être, Paul comprend la vie chrétienne, comprend que les croyants ont besoin d'être encouragés, d'être fortifiés, d'être exhortés, peu importe comment on peut le dire. Donc, pendant qu'il est rendu à Athènes, il est parti de Philippe, Thessalonique, Bérée, Athènes. Donc, il y a un bout de fait. Il y a plusieurs mois qui est passé probablement. Là. Il a voyagé d'une place à l'autre comme ça. Là. Donc, en québécois, je dirais, il n'en peut plus. Il faut faire de quoi. Donc, je ne sais pas s'ils s'en parlent entre eux autres, Paul, Timothée, Silas, ils s'en parlent entre eux autres. Et ils décident qu'ils vont envoyer Timothée. Et dans notre tête, là, pour nous autres, c'est juste une phrase. J'ai envoyé Timothée. Il faut voir plus que ça. Timothée et Silas, pour Paul, c'était ses gompains. Eux travaillaient, puis lui, il œuvrait au ministère. Donc, en envoyant quelqu'un qui était son gompain, lui, il va falloir qu'il se prie, il voulait retourner travailler, lui tout, s'il veut faire ça. Parce que lui, il se met dans une situation plus difficile lui-même pour aller aider les Thessaloniciens. Ça s'appelle la peine de votre amour. Tu sais, tu parlais l'amour avec... C'est toujours... Oui, il dit bien, là, dans le contexte de tribulation, c'est toujours un contexte de tribulation. Donc, Paul, si il n'aurait pas compris ce qui se passait, s'il n'avait pas su les tribulations ou les fortes tribulations, il aurait été moins inquiet un peu. Il aurait été moins inquiet. Et il sait que dans ce temps de difficulté, ils ont besoin d'une... On appelle ça d'une surcharge, une plus grande abondance d'encouragement, d'exhortation. Quand il dit que Satan en a empêché, mais là, finalement, il peut envoyer Timothée. Fait que c'était pas d'empêcher que les Thessaloniciens aient de l'aide de leur part. Il voulait aller les voir, puis il peut pas, puis il dit que Satan les en a empêchés. Satan avait empêché qu'il aille donner du support aux Thessaloniciens parce qu'il doutait de eux, mais finalement, c'est juste par rapport à Paul, parce que vu que Timothée peut y aller, oui, Satan n'empêche pas Timothée d'y aller. C'est ce qu'on pense, qu'après un certain temps, la poussière a baissé un peu, ou que Timothée va être humainement plus facile à y aller parce qu'il est moins connu, moins reconnu par... Paul était seul. Quand on voit la Thessalonique, ils ont cherché Paul et Silas, mais pas Timothée. Acte 17. Ils ont cherché Paul et Silas pour les emmener, pour les mettre en prison, les maganer un peu. Ils n'ont pas cherché Timothée qui était probablement moins exposé, moins vu, moins reconnu. Donc, c'est ce qu'on s'imagine humainement parlant. Okay? C'est humainement. Ici, c'est-tu que Paul prend le risque, ou Timothée est prêt à prendre le risque et d'aller? De dire, j'y vais, puis on va voir que ça va donner quoi. Parce qu'on dit toujours que c'est Dieu qui contrôle tout. Tu sais, on dit souvent ça. Là, c'est comme si ça donne un pouvoir à Satan. Quand on sait que Dieu, il veut que ses frères. Tu sais, la bon, Satan, il en a tué plusieurs en s'en allant à des chrétiens. Donc, c'est pas à cause que Dieu contrôle tout que les chrétiens ne meurent pas, c'est à cause de la foi. Non, Donc, non mais c'est parce que Dieu veut. Ben oui, Dieu, c'est ça. Mais là, Dieu, c'est comme si là, c'est comme si là, Satan, à cause qu'il ne veut pas, il ne peut pas, mais un peu plus tard, ils ont parlé des tours, ils ont réussi à envoyer. Là, c'est parce que, on essaie de comprendre la chimie là, entre Dieu, Satan. Tout ce qu'on a, c'est que l'auteur nous dit, j'ai voulu y aller deux fois, je n'ai pas pu. À un moment donné, on a pu, on a envie de s'y voter. Avec un autre moyen. Donc, est-ce que maintenant, ça fait assez de temps qu'ils pensent que ça va être moins dangereux? Est-ce qu'ils pensent que humainement, Timothée est moins connu, ça va passer mieux? Ou s'ils prennent l'idée que, ben j'y vais, mais peu importe ce qu'il y a des peut-être que je vais me ramasser en prison. C'est ça, on ne sait pas. C'est pas marqué. On aimerait bien que ça soit marqué, mais ça ne nous donne rien de le savoir. Eh oui, parce que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important pour Paul, dans notre texte ici, qui est en train de dire, c'est que si je veux que vous soyez avec moi quand Jésus va revenir, non? Je sais que je faut que j'aille vous aider. Okay? Je sais qu'il faut que j'aille vous aider. Ça, c'était dans sa tête, c'était certain dans sa tête. Puis c'est ça qu'il était en train de vouloir nous passer ici. Puis remarquez bien, puis là, il va le passer, puis tout à l'heure, il va l'emmener en comparaison avec ceux qui sont les faux, que les autres ne font pas ça. Mm-hmm. Okay? Il disait, les faux, là, ils ne restent pas leur vie. Leur, les faux ne se privent pas. Leur, les faux, là, non, les faux, autres, c'est un autre domaine. Ils sont là pour eux, pour leur gloire, leur bien-être. Ils ne font pas ça. Nous autres, on a agi autrement, parce qu'on a une conviction autre. Tu sais, quand Jésus a parlé, là, vous savez, la parabole du bon berger, là, il dit, le mercenaire ne se met pas à peine des brebis. Quand le loup arrive, ils prennent leur poudre d'escarpette, ils vont se cacher dans les arbres. T'sais. Mais il dit, le vrai berger, lui, il risque sa vie pour ses brebis. C'est un peu la même idée, c'est le même principe. Paul, sachant ça, lui, il dit même, il a dit au chapitre 2, on était pas même prêt à donner notre vie pour vous autres, on aurait pu le faire. Donc, mais les faux prophètes ou les faux docteurs ne font pas ça, eux. Donc, il est en train de préparer là, à comparer ce qu'il va dire dans la deuxième épître, soi-disant un esprit, une parole ou une lettre qui serait venue de ma part. Pas vrai, ça, là. Donc, il est en train de préparer, soyez assez sages. Les gens qui sont parmi vous présentement, comparez-les à nous. Est-ce qu'ils font comme nous quand on était là? S'ils ne font pas comme nous, méfiez-vous de ces gars-là. Là. Parce qu'ils ne sont pas là pour vous autres, là. Ils sont là pour leur poche, ou leur gloire, ou leur propre chose. Donc, il leur donne une possibilité de comparaison. C'est quoi un vrai chrétien? C'est quoi? Là, on parle de jeunes chrétiens, de jeunes églises. On parle des jeunes églises qui ont 2-3 mois, 3-4 mois, qui n'ont pas eu de pasteur, pas d'ancien établi. Donc, je vais vous donner des méthodes d'évaluer ces gars-là qui viennent. Parce qu'ils disent, ils vont venir. Il y avait un vieux dicton des années 100, à peu près 150 après Jésus, dans les livres des pères d'Église, il disait, si quelqu'un vient à vous et qu'il vous demande d'argent et qu'il veut rester plus que 3 jours, c'est un faux docteur. Il règle ça. En voulant dire, s'ils viennent, qu'ils vous demandent, s'ils viennent, que vous leur donnez, c'est deux choses différentes. Donc, méfiez-vous, là. Donc, ils donnent des critères de base pour évaluer les gens qui sont autour de vous. OK? C'est sûr que quand la lettre qu'ils vont recevoir, ils vont dire, c'est-tu Paul qui nous a écrit ça, ou si ça ne vient pas de Paul? Comment on va savoir si c'est Paul qui nous l'a écrit? Parce que ceux qui nous disent, ils disent que ça vient de Paul. C'est vous. Il faut falloir qu'il y ait une manière de discerner ça. Okay, donc, l'apôtre, Paul, il dit, je vous ai envoyé Timothée, le ministre ou serviteur ou diacre dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter. On revient à ce qu'il disait tout à l'heure. Pour vous affermir et pour vous exhorter au sujet de votre foi. Donc, c'est le but. Ça nous explique ce que Paul voulait faire si lui avait pu y aller. Si lui avait pu y aller, il aurait fait la même chose. Ils allaient exhorter, ils allaient affermir dans leur foi pour qu'ils puissent traverser cette période difficile-là qui était là. Donc, on a décidé de vous envoyer Timothée. Là, il dit au verset 3, afin que personne, tu sais, affermir, ébranler, ça va bien ensemble, c'est le contraire, hein? Quelque chose qui est ferme n'est pas ébranlé, quelque chose qui est ébranlé n'est pas ferme. Quand ça branle, là, c'est parce que c'est pas tellement ferme. Hein? Vous plantez un piquet, qu'est-ce que vous faites? Vous pognez. S'il branle trop, vous refessez dessus un autre coup, parce qu'il faut le planter, il faut qu'il arrête de shaker le piquet, là, si tu penses qu'il est solide. Mais il dit, Il dit là, il dit, afin que personne parmi les Thessaloniciens soit ébranlé au milieu. Marquez bien ici, c'est important. C'est pas ébranlé à cause du péché. À cause de l'immoralité. Ce qui les ébranle, ce que Paul a peur ici, c'est pas, on a peur que vous ne soyez pas des bons chrétiens, là, que vous ne marchez pas correct. Là. Non, on a peur que vous soyez ébranlés au milieu de l'affliction présente. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et c'est notre destin, la souffrance. C'est notre destin d'être persécuté. C'est notre destin. Car il dit, et lorsque nous étions auprès de vous, Paul, nous, Silas, Timothée, quand on était là avec vous, on vous l'avait déjà dit d'avance. Donc, on ne vous avait pas caché, on ne vous avait pas fait miroiter une vie chrétienne facile. Ou... Non, on vous l'avait dit qu'on serait exposé. Jésus l'avait dit, les apôtres l'ont dit dans les Actes des apôtres. Paul l'a dit par après. Tout le Nouveau Testament le dit finalement. Et il dit, puis là, je n'ai pas besoin de vous convaincre. C'est arrivé, vous l'avez vécu, donc. Vous savez bien que c'est vrai, vous l'avez vécu. Donc, c'est pour ça que, je vous ai dit, c'était important de toujours se rappeler le contexte de persécution, de tribulation. Parce que le texte prend du sens au milieu de ça. Pourquoi je veux aller aider, je suis tellement porté à vouloir aider mon garçon ou ma fille, c'est parce que je sais qu'elle est malade, qu'elle passe par un temps difficile, elle passe au feu. Ça l'explique pourquoi je veux tellement y aller dans votre tête quand vous m'entendez parler, là. Vous dites, ah oh ouais, on comprend qu'il veut y aller, tu sais, sa fille n'a pas souffert la semaine passée. C'est normal. Mais c'est ça qui se passe ici, là. Je veux aller aider une église parce que je sais ce qu'elle est en train de vivre, cette église-là. C'est ça que je veux faire. Si elle ne serait pas dans la même situation, pendant que je prenais une approche différente, ça serait peut-être, je serais moins inquiet. Ça serait plus. Là, ça devient compréhensible de voir. Puis là, nous autres, on a lu depuis le chapitre 1, puis il leur dit ça. Puis on est allé à Acte 17, on a lu Acte 17, puis Paul est obligé de fuir, donc c'était déjà la persécution à ce moment-là. Donc, au verset 5, ainsi, dans mon impatience, c'est un péché, ça? C'est une bonne impatience. J'ai envoyé quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous ayons travaillé en vain. Donc, c'est Paul semble croire que Satan peut venir dans la vie de croyants puis les tenter au point où ils abandonnent et ils ne travaillent en vain. Il ramène la même expression dans Galates, est-ce qu'on a travaillé en vain parmi vous? Parce qu'il est tenté d'abandonner la foi. Est-ce qu'on a travaillé en vain parmi vous? Donc, remarquez bien que l'apôtre Paul ne parle pas ici de l'exercice de leur vie chrétienne, s'ils font ça. Ils ont voulu s'informer de votre foi, si votre foi est encore là, si votre foi est encore basée sur ce qu'on vous a dit ou ce qu'on vous a enseigné. Donc, c'est pas juste savoir s'ils font un rituel religieux ou chrétien. Hein? On veut savoir si votre foi tient le coup, là, à travers les difficultés. Donc, tout à l'heure, lui, il nous a parlé que Satan l'empêchait, lui, d'aller les voir. Puis, il est conscient que Satan peut aller au bord de la clôture, puis tenter ceux qui sont sur le bord de la clôture. Il ne fait pas juste arrêter Paul. Il semble faire peut-être sur 250 km plus vite que Paul. Je ne sais pas. Ou il a envoyé un acolyte, il a fait comme Paul. Je vais envoyer un Timothée démon, je vais l'envoyer là-bas pour qu'il aille tenter. Puis, comment est-ce que pour avoir la tentation, on ne sait pas marqué, là, on va juste spéculer. C'est pas la ville. Satan tente ça comment, ces gens-là? Là? Comment il tente, lui, des gens qui sont là, qui ont reçu l'évangile de Paul, qui ont fait tout ça? Ça m'a des faux enseignements. Faux enseignements. De son retour, là, c'était une grosse affaire pour eux. Donc, c'est toujours au niveau de l'enseignement. Hein. Ça va souvent par le mensonge qui va les amener à prendre des fausses décisions, à douter, à abandonner. Le diable, c'est le père du mensonge. C'est le père. C'est le père des menteurs. Donc, il vient toujours, lui, avec le contraire de la vérité. Donc, il va venir avec des faussetés dans la tête des croyants, ou ça peut être la grande question, là, est-ce que Satan peut communiquer avec mon esprit personnellement, d'esprit à esprit, ou s'il va venir à travers des gens, ou s'il va venir à travers des épreuves. Grande question encore. C'est pas tout le monde qui pense la même chose là-dessus dans le monde chrétien. Est-ce que Satan entend mes pensées? Pas sûr. Oui, je suis sûr. Là, ils disent oui, là, ils disent non. D'autres vont dire, si tu pries pas à voix haute, Satan ne t'entend pas. Si tu pries à voix haute, il t'entend. C'est pas qu'il y en a qui vont dire, au nom de Jésus, ils vont dire fort. Parce que il faut que. J'avais débattu avec un pasteur, longtemps en arrière, on était au resto. Puis là, on va prier avant de manger. On peut prier dans notre cœur, mais il dit, Satan ne nous entend pas, là. Il faut que Satan nous entende qu'on prie, là. Mais est-ce que Satan entend ce qui se passe dans ma tête? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Donc, c'est... Mais ici, si Satan ne peut pas venir tenter juste dans ma tête à moi, en esprit, dans mon esprit à moi, il faut qu'il vienne autrement. Il peut servir des autres personnes. Donc, il peut prendre des personnes, il peut prendre des non-croyants comme des croyants, comme des fausses lettres, comme des... Parce qu'il va dire un peu plus loin, il dit des paroles qui viendraient d'un esprit. On dit d'un esprit... C'est-tu un esprit démoniaque? C'est-tu un esprit... On n'a pas d'idée. Donc, et des fois, il dit ou d'une parole, là, on dit une parole que quelqu'un a parlé, ou d'une lettre. Ça, on comprend, là. On veut des... Mais l'esprit, là, encore une fois, tout le monde s'estime, puis c'est quoi cet esprit-là? C'est un démon qui serait venu déguisé, ou... Je sais pas. À quoi la guerre comme à la guerre. mais la question, c'est que le mensonge, quand il vient, mais il peut troubler, puis amener les gens à abandonner. Ça peut être un mensonge que tu as cru avant, qui nous convient dans notre tête. Oui, aussi. Donc, mais là, ça ne sert pas le tentateur. Non, mais ça sert notre chair. Ça peut être ça, l'esprit. Non. Peut-être. On en parle au chapitre, dans la deuxième épître. Mais ici, il spécifie tentateur. Donc là, il ne parle pas de ma chair. Si ça sert ma chair, puis là, il parle de ma chair. Satan, va-tu venir? Puis ça se peut qu'il s'adresse à ma chair, à travers des personnes, à travers des gens, à travers des événements. Mais c'est le tentateur qui parle ici. Là. C'est lui qui n'a pas la peur. C'est lui que Paul voudrait mettre en garde l'Église contre le tentateur, pas contre ma chair. Okay? Donc c'est vrai que ma chair est là aussi, qu'elle peut m'amener à abandonner. Là, ici, il parle du tentateur. Et le but, si ça arrive, là, le tentateur, mais on ne peut pas faire le verset 19 du chapitre 2, ni le verset 20. Vous ne serez pas avec moi autour du Seigneur. Ce n'est pas mon espérance, ce n'est pas ma joie, ce n'est pas ma colonne de joie, de victoire. Si le tentateur vient et le fait tomber, vous ne serez pas ça. Donc, vu que je veux que ça soit ça, je vous ai envoyé Timothée pour qu'il puisse vous encourager et vous fortifier. Donc, Timothée va venir avec lui. S'il veut combattre le tentateur, le menteur, il va venir avec des vérités. Il va venir avec de l'encouragement, il va venir avec des prières, il va venir avec eux autres, il va venir avec des nouvelles de l'apôtre Paul, il va venir avec toutes sortes de choses. Pour encourager l'Église à persévérer dans la vérité, dans l'Évangile de Dieu, qui appelle ici l'Évangile de Christ. C'est la même chose. L'Évangile de Dieu, c'est Jésus, lui aussi, a annoncé la bonne nouvelle de Dieu, donc c'est la même chose. OK? Donc, il faut être conscient que si Paul pense ça, que l'Église pourrait être tentée et abandonnée, il faut être conscient que nous, qu'est-ce qu'on va faire, nous, humains, nous, en tant que personnes, qu'est-ce qu'on va faire, nous, pour ne pas être tentés et abandonnés? Lui, c'est ce que Paul veut faire ici, là. Lui, ce qu'il veut faire là, à ce moment-là. Nous, qu'est-ce qu'on va faire, nous, dans nos propres vies, en tant que groupe, qu'est-ce qu'on va faire pour que le tentateur ne vienne pas nous tenter et qu'il ait travaillé en vain? Là, il y en a qui disent que ça ne peut pas arriver. Sauver un jour, sauver deux jours, ça ne peut pas arriver. Mais... Il semble que Paul croyait que ça pouvait arriver. Mais puis, il y en a qui vont donner comme « Ah, ben si finalement il lâche, parce qu'ils n'ont jamais été sauvés. » Donc, c'est comme ça qu'on finit la phrase. Mais c'était pas tout à, Paul n'emploie pas ce langage-là du moins. Puis il espère, s'il ne pensait pas qu'il était des chrétiens, s'il ne pensait pas qu'il avait fait une profession de foi légitime quand lui était là, ben, il ne se donnerait pas la peine d'emmener Timothée pour essayer d'encourager une gang de pas chrétiens. C'est parce qu'ils pensent qu'ils sont des croyants. Sans ça, ça ne donne à rien de y aller. Il leur a dit d'ailleurs. C'est ce que Paul a fait. Paul veut y aller, il ne peut pas y aller. Donc, il envoie Timothée finalement pour faire sa job. En tout cas, le mieux qu'il pouvait. Parce que si Paul, ça fait 15 ans qu'il est sauvé, Timothée, ça ne fait pas longtemps non plus. Puis Timothée n'a pas eu 3 ans d'enseignement par Jésus en plus. Donc, lui, il a l'enseignement qu'on lui a donné dans son église locale à ce moment-là, et de sa mère, sa grand-mère qui était des chrétiennes. On ne sait pas combien de temps qu'elle était chrétienne avant lui, on n'a aucune idée. Donc, mais on sait que sa mère et sa grand-mère étaient chrétiennes avant lui. Mais lui, il s'est converti quand, on n'a aucune idée non plus. À 5 ans ou à 15 ans, on n'a pas d'idée. Mais il l'envoie puis il l'appelle ministre de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui est un serviteur de Dieu, qui est un. C'est une personne qui est au service de l'Évangile et il l'envoie. Là, Timothée, entre versets 5 et 6, Timothée est revenu. Ça va vite dans les deux versets-là. Donc, Timothée est allé, mais Timothée est récemment arrivé. Donc, là, il est revenu. Donc, il s'est passé quelques mois. Là, okay? Donc, il est allé, il a passé du temps là-bas avec eux autres. Je ne pense pas qu'il ait juste passé une soirée. Tiens, pas vous écrire. Quand il m'envoie, je passe une journée et je m'en retourne. Non, je pense qu'il a passé un peu de temps avec eux autres pour les encourager. Et je crois que il ne faut pas sous-estimer, on va en parler un peu plus loin dans le chapitre 5, je dirais en partie, mais il ne faut pas sous-estimer l'encouragement fraternel pour persévérer. Vous savez, à plusieurs fois que je vous dis, la persévérance, c'est pas quelque chose individuel, c'est quelque chose du groupe. C'est à travers le groupe que je vais persévérer. C'est avec le groupe que je vais persévérer. C'est pas tout seul que je vais persévérer. Donc, c'est pour ça que Paul va leur envoyer quelqu'un qui va les encourager, qui est plus vieux qu'eux autres dans la foi, qui en connaît un peu plus qu'eux autres dans la foi, et qui va les encourager à persévérer. Donc, puis Timothée, lui-même étant chrétien, lui-même ayant souffert, lui-même ayant vu des persécutions, lui, tout connaît les moyens pour passer au travers. Donc, il va aller encourager des gens qui sont dans cette situation-là. C'est difficile d'encourager quelqu'un dans le domaine que tu n'as jamais vécu. Hein? C'est plus difficile, tu vois. C'est plus difficile. Mais quand tu l'as déjà vécu, tu parles avec compréhension, tu parles avec ce que l'autre vit, tu sais de qu'est-ce que tu vis, je sais qu'est-ce que tu penses à travers. Je l'ai vécu. Donc, automatiquement, si tu l'as jamais vécu, c'est plus difficile. Mais si Timothée, puis Paul, puis Silas l'avaient vécu, mais pour encourager des gens qui sont dans la tribulation, dans la difficulté, bien, je dirais ça dans mon langage, je vais vous donner les trucs que j'ai pris moi pour passer au travail. Donc, je suis là, puis j'ai passé au travail avant vous autres. Dieu m'a gardé, par la grâce de Dieu, j'ai passé au travail. Donc, je vais vous donner les mêmes trucs que moi, afin de pousser passer au travail. C'est ça qu'il va faire probablement. Donc, et là, verset 6, on va lire jusqu'au verset, jusqu'à la fin du chapitre, si vous voulez bien. Maintenant, Timothée vient d'arriver de chez vous. Il nous a apporté de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous gardez toujours un bon souvenir de nous et que vous désiriez et que vous désirez nous revoir comme nous désirons vous revoir. En conséquence, frère, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. Comment pourrions-nous assez remercier notre Dieu à votre sujet, à cause de toute la joie que vous nous avez donnée devant lui? Jour et nuit, nous lui demandons avec ardeur de nous permettre de vous revoir personnellement et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et que notre Seigneur Jésus dirige notre route vers vous. Que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'image de notre amour pour vous. Afin qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Et où ça se complète, hein? Verset 19 et 20, on a parlé de joie, d'espérance. Là, il parle encore aussi, vous êtes notre joie, notre... Là, on vit finalement. On était tellement angoissés qu'on était en train de stresser, tu sais, on faisait de l'anxiété. Puis là, tout d'un coup, quand Timothée revient, ils ont persévéré, ils ont continué. Tu sais. Là, c'est, il dit, finalement, on vit. Finalement, on vit. Donc, il commence en disant, mais Timothée vient d'arriver, ou récemment arrivé de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Donc, il y a un désir de la part des Thessaloniciens de revoir aussi Paul. Donc, peut-être qu'ils sont comme François qui avait des listes de questions. Je ne sais pas si j'ai déjà compté que j'étais jeune chrétien. J'étais assez limité dans ce temps-là. Je lisais la Bible, puis je prenais des questions, puis je disais des questions. Puis Camille Audette était venue me voir avec Benoît Foucault. Ils me disent, François, as-tu des questions? Oui! Je m'envoie dans ma chambre, je reviens, puis j'ai dit, je t'ai rendu à 75 questions. On va commencer à répondre à mes questions, s'il vous plaît. Et on a fait deux, trois, peut-être dans la journée, là, mais l'après-midi qui était là chez nous. Mais j'avais des questions. Et je me dis, c'est probablement normal qu'il y avait peut-être un François dans la gang qui avait 25 000 questions à répondre. Et Timothée aussi n'en répond qu'une, et finalement, Paul va répondre aux autres. Mais c'était normal, il y avait un paquet de questions, aux autres aussi, probablement. Là. C'est normal qu'on ait des questions comme ça. Et donc, il a dit des bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Donc, sais-tu amour pour Paul, amour pour Dieu, amour pour les frères et sœurs? De quoi il parle? C'est-tu les trois? Comment vous voyez ça? Il ne faut pas juste se rappeler, il y a des bonnes nouvelles de votre foi, mais aussi de votre amour. Je vous ai dit au début, dans le premier chapitre, l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance. Et je crois que s'ils parlent de l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, ça veut dire qu'ils sont encore ensemble. Ils ne sont pas des individus chez eux qui ont gardé la foi, mais ils sont encore en groupe et ils s'encourageaient mutuellement dans la foi et ils s'entraidaient aussi dans leurs difficultés. Donc, il faut se mettre dans la tête, persécution, difficulté. Donc, qu'est-ce que ça a causé dans leur vie de tous les jours? Ça a certainement amené des changements dans leur horaire, dans leur façon de faire les choses, à cause qu'ils étaient persécutés par leurs compatriotes ou par les Juifs. Donc, ils ne les ont pas laissés tranquilles. Donc, qu'est-ce que ça a causé? Ont-ils perdu des jobs? On ne sait pas. On peut s'imaginer. On n'a pas. Mais je suis content qu'ils disent des nouvelles de votre foi et de votre amour. Et il nous, Timothée, nous a dit que vous avez toujours un bon souvenir de nous. Et ça, c'était encourageant pour Paul. Et il vous désirez me voir. OK. J'espère que Timothée vous a dit pourquoi je ne peux pas aller. Parce que Timothée a dû leur dire, Paul sera bienvenu, mais Satan l'a empêché. Là, il a posé la question de Chantal. Moi, si tu fais ici, toi, Timothée, si toi, tu es venu, tu penses que Paul n'est pas venu. Il aurait pu poser la question. Mais on n'a pas de réponse. Il faut se contenter de ce qu'on a. Il dit, mais il ne semble pas avoir gardé une espèce de comment je dirais ça, de rancune ou de sentiment négatif à l'égard de Paul, parce que ça fait des mois qu'il est parti, qu'il n'est pas venu. Puis, vous imaginez, là, des jeunes croyants qui vivent des difficultés, puis c'est un étranger, entre guillemets, qui est arrivé chez eux, qui leur a donné l'évangile, il a resté une couple de mois, puis il est parti. Il est allé se cacher, lui. Il dit, nous, il faut rester ici, là. Et là, ça peut développer facilement des idées noires. Donc, mais en même temps, les autres se rappelaient, bien, ils nous ont amené un bon message, ils nous ont amené l'évangile, puis on a cru en Jésus. Donc, il y avait quelque chose pour compenser, là, dans leur tête. Mais ce que Paul Timothée dit, non, il garde un bon souvenir de nous, puis il aimerait ça te revoir, Paul. Il aimerait ça te revoir comme toi, tu aimerais les revoir. Il aurait pu se penser là aussi, en voyant Timothée, comme tu dis, de connaissance. Oui, c'est ça, tu parlais de rancune, de dire, il nous a-tu vraiment donné un bon message? Oui. Et Paul, Timothée va confirmer, Paul va On ne sait pas dans l'histoire, en tout cas, je ne sais pas dans l'histoire si je n'ai pas les jeunes retournés à Thessalonique. Je n'ai pas de données, ni d'exact des apôtres, ni ailleurs. Je ne sais pas. Parce que ça, c'est son deuxième voyage missionnaire, mais dans son troisième voyage missionnaire, il ne passe pas de faire toujours par les mêmes routes, il ne fait pas toutes les églises. Dans le premier voyage, dans le deuxième voyage, il va faire quelques églises, mais il ne fait pas toutes les églises du premier voyage. Il va continuer, il va aller plus loin. S'il recommence, mais il ne va jamais plus, vraiment plus loin, il recommence. Bien, et ça prendra du temps. Et là, il va passer, dans le troisième voyage missionnaire, il passe dans le nord. Il peut passer par le sud, il va passer dans le nord, il va passer au-dessus, il va s'avancer en Galatie, ailleurs. Donc, on ne sait pas s'il retourne à Thessalonique. Peut-être, mais je ne sais pas marqué. Mais il va écrire une deuxième lettre. Donc, sur quelle base va-t-il écrire la deuxième lettre? On va se poser la question, si vous la lisez, la deuxième lettre. Sur quelle base? Est-ce que c'est encore Timothée qui est allé? Ou est-ce que c'est d'autres personnes qui sont venues voir? C'est-tu Paul qui est allé? Et si Paul serait allé, il n'a pas eu besoin d'écrire la deuxième lettre, il aurait parlé directement avec eux. Donc, c'est des choses qui nous laissent un peu d'imagination. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais quand on ne le sait pas, c'est parce qu'on n'a pas besoin pour comprendre ce que Dieu veut dire dans le texte. En conséquence, frère, l'apôtre Paul donne son sentiment à l'église de Thessalonique. En conséquence, frère, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi, car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. J'ai envoyé Timothée pour qu'il vous affermisse, et vous êtes fermes, vous êtes restés fermes dans la foi. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est ça qu'ils recherchent le plus chez les croyants. Paul, quand il parle aux croyants, aux églises, c'est pas est-ce que vous regardez trop la TV, là? C'est pas ça. Est-ce que vous encore démantelé? C'est est-ce que vous êtes encore ferme dans la foi? Mm-hmm. Ferme dans la foi va entraîner une vente de vie. Mais ce qui, lui, ils sont dit, si vous êtes ferme dans la foi, il y a une vie qui va en découler. Mais si vous êtes plus ferme dans la foi, la vie va changer aussi, là. Donc, il y a une. C'est un cause à effet qu'on dit. Oui, c'est ça, cause à effet. Donc, c'est le. Il dit, nous, Paul, là, je suis content. Vous êtes mon espérance, vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne de gloire pour le retour du Seigneur. Vous êtes encore là, vous êtes ferme. On espère que plus loin, vous êtes encore ferme, pour vous allez garder jusqu'à la fin. Vous allez garder cette foi ferme ou cette fermeté dans votre foi que vous avez à l'égard du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul, son dirigeant québécois, il a commencé à respirer. Wow! OK, ils sont là, ils sont fermes. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Comment est-ce qu'il va les aider? Je ne suis pas surpris qu'après ces quelques mois-là, peut-être c'est passé 2 mois, 4 mois, 5 mois, je ne sais pas. Mais ailleurs, là, je dis ça, je tire des conclusions, c'est pas marqué comme ça dans les Écritures. À quelques reprises, on voit Paul envoie Timothée, puis Timothée va établir les anciens dans les églises. On va le voir dans l'Épître de Timothée. Je t'ai laissé là pour que tu mettes des anciens en place. Je t'ai laissé là pour que tu mettes des anciens en place. Et probablement que c'est ça que Timothée va faire aussi pendant qu'il est là. Il va probablement établir des anciens. Il va mettre en place, structurer l'Église pour qu'elle puisse fonctionner selon le Nouveau Testament. Donc, je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Donc, parce que c'était la coutume de Paul. Puis Paul avait vu Timothée faire la même chose. Puis c'est ça que Timothée a été mandaté à certaines reprises de faire. Dans certaines églises que Paul avait commencé, mais il n'avait pas eu le temps, lui, d'établir des anciens. Une fois, il va laisser Tite établir des anciens, une fois, il va laisser Timothée établir des anciens pour que ça puisse fonctionner en tant qu'église. Il y a une structure d'église qui est très flexible à travers les générations, mais il y a une structure quand même d'église. On n'a pas le choix. Il y a une structure qui a été établie par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le verset 9. Maintenant, il dit, quelle action de grâce? Maintenant qu'on a respiré par le nez, puis qu'on a pris notre souffle, on rend grâce. Quelle action de grâce, maintenant, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu? Hein? Quand on a dit au verset 20, vous êtes notre gloire, vous êtes notre joie, il dit ici, là. Il dit, nous rendons grâce à Dieu. Nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie. Il rend grâce à Dieu qui est heureux. Que lui est heureux, Paul, à cause de la foi des Thessaloniciens. Donc, c'est une belle phrase. Il dit, pour toute la joie nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Mais là, on va voir qu'il ce désir, il n'est pas assouvi. Il est heureux, il est content, ce qui s'est passé avec Timothée. Mais au verset 10, il dit, nuit et jour, moi j'ai l'impression que Paul ne devait jamais dormir. Un bon chrétien, ça ne va pas. Un bon chrétien, ça ne va pas. Mais monsieur Alexandre nous a dit, de passer cette heure, c'est de la paresse, le pasteur. C'est de la paresse, le pasteur. Mais il dit, parce qu'il dit ça, souvent, c'est un dicton, un proverbe. Parce qu'il dit ça souvent dans ses épîtres. Nuit et jour, nous prions. Nuit et jour, nous prions. Nuit et jour, nous prions. Il dit, tu ne dors pas, tu ne manges pas, tout ce que tu fais dans la vie. C'est une façon de parler. C'est que continuellement, quand ça venait à son esprit, il priait pour eux autres. Quand il était en train de prêcher dans une église ailleurs, il n'était pas en train de prier dans sa tête en même temps pour Timothée. Mais quand Timothée ou les Thessaloniciens venaient à son esprit, ben, il priait pour eux autres. Donc c'est comme ça que je crois qu'il faut interpréter. Nous le prions. Là, il dit, nous rendons grâce à Dieu pour le bout de chemin que vous avez fait par vous autres mêmes. On rend grâce à Dieu pour le bout que vous avez fait avec Timothée. Mais là, il dit, j'arrête pas là, je vais aller plus loin. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. On pourrait traduire, j'aimerais aller vous affermir à mon tour. Timothée vous a affermé, j'aimerais aller vous affermir, moi aussi, dans votre foi. Il leur manquait quelque chose. Ça veut dire quoi, ça? C'est des données, c'est des vérités bibliques, c'est des textes qui sont situés par rapport aux autres sonneurs, probablement. Il y a d'autres domaines, parce que Paul, dans plusieurs épîtres, Paul est toujours en train de répondre aux questions des églises. Donc, j'aimerais aller voir pour répondre à vos questions. Je sais que vous en avez des questions. Donc, Paul, il dit, puis vous pouvez voir par vous autres même, au verset 10, l'intensité de ce qu'il veut. L'intensité du désir qui est là. Il dit, avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Remarquez bien, là, tout à l'heure, j'ai dit sans le dire que Dieu ne va pas répondre à sa prière. S'il n'est pas retourné, Dieu ne va pas répondre à sa prière. Mais il dit le nous. Sais-tu qui a envoyé Timothée une autre fois ou si là, c'est une autre fois? Donc, mais il dit que nous permettre de vous voir. Nous le prions. Bon, mais, OK. Mais moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est ce désir intense de Paul pour le bien-être de l'Église de Thessalonique, le bien-être spirituel. Paul, Dieu n'a pas répondu à la prière de Paul. Peut-être. Il est obligé d'écrire. Paul, il a fait son plan B, il était de là à écrire. Puis la lettre, elle nous est parvenue. Oui, est-ce qu'il a écrit, est-ce qu'il est allé les voir entre les deux lettres? Je n'ai pas vraiment d'idée, mais on sait qu'il a écrit. Ouais. C'est sûr. Parce qu'on lit la lettre, là. On sait qu'il a écrit. Puis il va en écrire une deuxième, un an ou deux plus tard, ou trois plus tard. Donc, il les a écrit. Est-ce qu'il a pris? Bon, je ne peux pas y aller, je vais écrire une lettre. Mais là, il faut qu'il envoie quelqu'un, là, avec la lettre. Mm. Il n'y a pas de Canada Post, là, encore à cette époque-là. Il n'y a pas Romain Post non plus. donc, il faut qu'il envoie un Timothée ou un Silas avec la lettre. Et puis, lui va encore passer du temps avec ces chrétiens-là, ce personnage-là. Mais des fois, il a envoyé des diacres, des diaconesses, comme Sancré, qui avait envoyé une fois une lettre avec une église. Donc, il envoyait des gens avec la lettre, puis il allait les voir. Mais la question, c'est compléter ce qui manque à votre foi. J'ose-tu poser la question? Qu'est-ce qui vous manque à vous dans votre foi? Qu'est-ce que vous voyez qui vous manque à vous dans votre foi? Est-ce qu'il était conscient? C'est-tu Paul qui les rend conscients? Hein? Il manque rien. Il manque rien. Timothée est passé. Il manque rien. Non, il semble les éveiller au fait qu'il vous en manque un peu. Là. Il vous en manque. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez continuer jusqu'à la fin, il vous en manque un peu. Là. Et est-ce qu'on peut arriver à une place qui ne nous en manque pas? Comme insatiable, hein? Oui, je crois que c'est l'autre côté de la médaille. Paul voit qu'il en manque, les autres ils devraient voir qu'il en manque aussi, qu'il en a besoin de moi. Mais il faut être conscient qu'il nous en manque tout le temps. On ne peut pas arriver à la place de dire, bon, je sais tout ce que j'avais à savoir, j'ai plus besoin d'apprendre, moi, là. J'ai toutes les armes nécessaires contre Satan, contre la chair, contre le monde. Je suis équipé, là. Je suis correct à ça. Si tu penses ça, tu es en danger. Si tu penses ça, tu es en danger. On est des auditeurs oubliés. Oui. Mais pour oublier, il faut savoir. Puis ici, ils ne savent pas. Ah, ok, c'est ici. C'est pas, j'ai peur que vous oubliez, c'est qu'il vous en manque. Ok? Donc, il va compléter un petit peu, parce que dans le deuxième épître, il va leur parler du retour du Seigneur, de l'apostasie, de l'antéchrist. Il va leur donner de l'information de plus. Il va leur donner de l'information, au chapitre 4, on va voir, là. Il va leur donner une information. Ceux qui sont morts, là, les chrétiens qui sont morts, là, ben faites-vous-en pas, là. Tu sais, ils vont ressusciter, là. Donc, il leur donne de l'information. Donc, il va compléter un peu avec la lettre, mais il veut aller les voir. Parce qu'il n'y a rien comme le visible. C'est mieux qu'une lettre. Okay? C'est mieux qu'une lettre. Parce que moi, je choisirais Jésus au lieu de la Bible. Hein? Jésus dit, va m'assurer. Toi, François, oui, absolument, la Bible à côté. Par moi, tu sais, c'est pas mal plus intense. Mais si Jésus il partait et il disait, je vais te donner mon esprit avec le livre, là, qu'est-ce que tu prendrais? Jésus encore. Parce qu'il y avait dit, c'était préférable. J'étais un humain, c'est comme ça que je suis. Mais Jésus, lui, a décidé qu'il reste en bas. Donc, ça, c'est juste, il faut lui-même. Donc, l'apôtre Paul exprime son désir, et je crois qu'il stimule aussi les croyants en disant ça. Il stimule les croyants en disant, oh, il nous manque de quoi? Il nous manque de quoi? Donc, si Paul ne vient pas, on fait quoi entre-temps? Parce que s'il manque... S'il te manque un outil pour faire de quoi, tu dis, ben il manque un outil, là, je viens de me rendre compte qu'il manque un outil. Faut que j'aille sur le dépôt, sur Renault dépôt, pour aller me chercher l'outil qui me manque, parce qu'il me manque de quoi. Et là, ici, ils sont obligés de dire, ouais, comment est-ce qu'on va faire si Paul ne vient pas pour compléter ce qui me manque? Donc, c'est des gens intelligents, pareil que nous autres, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire pour compléter? Mais là, ils vont savoir la lettre pas longtemps après, là, quand ils le savent. Quand ils savent que Paul pense ça, ils ont la lettre des mains, c'est par la lettre qu'ils apprennent que Paul pense ça, qu'il leur manque de quoi. Donc, ils vont avoir la lettre, puis ils vont probablement la lire, la relire, se le faire expliquer, puis pour pouvoir dire, bon, on a un peu plus. On n'a pas besoin de paniquer pour ceux qui sont morts, ils vont ressusciter, donc on en sait un peu plus. Donc, il faut qu'ils trouvent un moyen d'aller chercher ce qui leur manque. Mais la motivation va venir du fait qu'ils savent qu'il leur manque de quoi. Si je pense qu'il ne m'en manque pas, je ne le fais pas. Mais quand tu te le fais dire ici par l'apôtre Paul, c'est celui qui va dire, mais il nous manque de quoi est-ce qu'il nous manque. Donc, je crois que quand on est conscient qu'il nous manque des informations, on va aller faire des choses pour aller chercher ces informations-là le plus qu'on peut, pour pouvoir, parce que le but ici, c'est qu'il puisse persévérer jusqu'au retour du Seigneur, c'est ça le but. C'est de l'information qui va leur permettre de persévérer jusqu'au retour du Seigneur. C'est pas pour gagner des couronnes, c'est pas pour ci, c'est pas pour venir, c'est juste pour, je veux que vous soyez là quand Jésus va revenir, puis que vous allez être ma joie, je vais être votre joie, vous allez être ma joie, on va se réjouir ensemble quand Jésus va revenir. Donc c'est ça qu'il veut pour eux autres. Le sachant qu'il leur manque quelque chose, ça va leur permettre de garder un esprit plus ouvert, là, probablement, quand ils vont recevoir la lettre, ou les gens. Ou une autre personne. Mm. Puis, même aussi des gens qui pourraient être autres que Paul, des gens qui enseignaient, mettons, on va dire, ce qui s'appelle Apollos, mettons, un exemple, qui vont venir, ils vont ouvrir, ils disent, bien, on va écouter parce que Paul nous a dit qu'il nous manquait de quoi, donc on va écouter Apollos, voici, on peut apprendre de quoi. Et avec les bonnes. Guide Paul leur a donné en disant « Faites attention qu'ils soient comme ça, comme ça, comme voilà, ça. » Fait qu'ils vont avoir un bon barème là, pour juger. Ils vont avoir un niveau pour savoir si c'est correct. Au verset 11, regardez bien l'intelligence de Paul, jusqu'à certains points, je dirais, ou la connaissance théologique de Paul, que Dieu lui-même, là, il dit « Timothée a fait sa job, je veux le faire ma job, mais je compte sur Dieu aussi, là. » Donc là, il dit au verset 11, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Donc j'ai un désir, je vais le soumettre à Dieu, je vais le dire à Dieu que je veux aller. Je prie Dieu qu'il aplanisse les événements, aplanisse les situations. Il va le dire ailleurs dans Timothée, il va dire, priez pour les autorités dans le monde afin que vous puissiez vivre la piété. Et tout donc, Paul était toujours dans la même façon de penser. Priez que Dieu permette que les autorités, priez pour les autres afin que vous puissiez vivre votre vie chrétienne dans pleine piété. Vous ne soyez pas en danger. C'est drôle, hein? D'un part, il dit d'avoir des persécutions, priez que les autorités vous laissent vivre votre vie chrétienne. Et les deux, c'est toujours là. Donc, au verset 12, et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Donc il dit, je prie que le Seigneur aplanisse que je puisse aller vous voir, mais je prie qu'en attendant, que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous. À l'exemple de celui que nous avons pour vous. Donc, il dit, je prie que votre amour grandisse les uns les autres. Je me répète souvent, l'apôtre sait que c'est le moyen le plus sûr présentement qu'ils ont pour pouvoir persévérer jusqu'à la fin. En attendant que je vienne, je suis capable d'aller compléter. J'espère que vous allez vous aimer les uns les autres. Jésus, dans Jean chapitre 15, ma mémoire est bonne, il va dire, si vous voulez résister à la haine du monde, allez devoir vous aimer les uns les autres. C'est une prière, ça sert de base, non? Il dit, vous ne serez pas capable de passer au travers si vous aimez. Vous devez compenser la haine qu'on a pour vous autres par l'amour que vous avez les autres. Parce qu'on n'est pas des êtres qui peuvent vivre sans amour. Il faut savoir qu'on est aimé à quelque part. Et si on reçoit juste la haine de la part du monde constamment, ça va détruire. Mais si je peux compenser avec les autres croyants l'amour qui va se manifester entre nous, ça va nous donner un équilibre entre les deux. Jésus le savait, il l'aurait dit. Il leur a dit dans Jean 15, ils vont vous traiter comme ils m'ont traité, ils vont vous haïr comme ils m'ont haï, mais aimez-vous les uns les autres, de sorte que vous ne persévérerez pas. Donc, c'est la force de la communauté chrétienne, c'est très important dans les Écritures. Il donne première, ça c'est la première requête, qu'il fasse grandir ou abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Il va y revenir au chapitre 4. De faire du progrès dans l'amour les uns pour les autres. Mais là, il l'a pris. C'est toujours intéressant de voir que l'apôtre Paul, sur le petit jargon qu'on a toujours employé, mettez des pattes à vos prières. Il prie, mais il agit. Il ne fait pas juste prier. Il prie, puis il agit. Donc, je prie que votre amour augmente, mais je prie aussi que vous agissiez. Donc, c'est toujours la même idée. Quand je prie, j'en invoque la main droite. J'appelle celui qui est en haut, qui est la main droite, qui peut intervenir. Mais quand j'agis, c'est la main gauche qui se met en mouvement après. Là. Donc, c'est la même vérité ici, encore une fois. Donc, je prie, mais j'envoie Timothée. Je prie, mais je veux y aller. Puis je prie, mais il y a toujours une accompagne sa prière d'action, d'œuvre, je pourrais dire ça comme ça. Il dit que la deuxième requête, c'est je prie que Dieu affermisse vos cœurs. J'envoie Timothée pour qu'il affermisse vos cœurs. Moi, je prie pour pouvoir aller affermir vos cœurs, mais je prie Dieu aussi qu'il affermisse vos cœurs. Donc, j'espère que ça va être. On finit par être ferme, on va en amener un autre, là, jusqu'à là. Mais il y a tout ce cheminement-là qu'on voit ici dans ce chapitre-là. J'envoie, je veux aller, je prie. Il y a tout ce mouvement-là qui est impliqué dans le désir de Paul que l'Église persévère jusqu'à la fin. Et qu'il affermisse vos cœurs, pourquoi? L'affermissement ici, c'est pourquoi? pour qu'on soit irréprochable dans la sainteté devant notre Dieu, notre Père, lors de son avènement. Tout, la fermeté, ça sert à l'avènement. Ça sert à quoi? Ça va servir à tous les jours, mais... Mais le but? Le but, c'est que je me rende au bout de la course, que je me rende au bout. Si je cours pendant 2 km, j'arrête, ben, j'ai mon marathon, je ne l'avais pas. Hein? Pas de couronne à la fin. Donc, il faut que je fasse les 42, si je veux avoir la couronne. J'arrête à 48, ah non, 38, j'aurais dit. J'ai manqué mon coup. Mais ici, remarquez bien qu'il dit irréprochable dans la sainteté. Irréprochable dans la sainteté devant Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est sans péché? Sanctification parfaite? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qui va me rendre irréprochable aux yeux de Dieu? Si j'ai gardé l'Évangile transmis, si je l'ai vécu jusqu'à la fin. C'est ce qu'il est en train de dire. L'Évangile au-dessus de Paul, on l'a gardé et on l'a vécu jusqu'à la fin. Donc, il dit, si je fais ça, quand l'avènement du Seigneur Jésus va arriver, je vais être irréprochable. Il va revenir dans les deuxièmes épîtres, il va revenir avec cette expression irréprochable dans la sainteté. Plusieurs vont dire, irréprochable dans la sainteté et par tout péché. Sainteté, on fait souvent ça avec ça. Sainteté, on pense de même. Puis, oh, ça va nous aider à comprendre le chapitre 4, hein, qui va dire, vous avez été appelés à la sainteté. Puis vu qu'on soit irréprochable dans la sainteté, qu'est-ce qu'il veut dire? Puis, donc, s'il veut que je sois, il dit, conservez vos corps dans toute la sainteté et l'honnêteté. Donc, de quelle sainteté parle-t-il? Pas dans la vérité, dans la vérité de l'Évangile. Bien, c'est ça qu'on peut penser ici. Mais on n'a pas bien le choix. Soit je suis saint dans l'Évangile, je suis saint dans ce qui m'a été apporté, j'ai gardé la foi, j'ai gardé le bon dépôt, ou qui parle de sainteté, je suis pur dans mes actions et dans mes œuvres. Donc, on a la connotation sainteté, s'éloigner du péché, pas faire de péché. Mais est-ce que l'auteur, il y a une autre forme de sainteté? Parce qu'il nous a appelés à la sainteté. Il nous a appelés à la sanctification ou à la sainteté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand il m'a appelé à la sainteté? Il y en a qui vont dire, plusieurs vont dire, il m'a appelé à vivre une vie sans péché ou avec le moins de péché possible. Puis moi, je ne vais pas dans cette direction-là. On ne devrait pas... Je ne crois pas que c'était le but, parce que si c'était le but que je vive sans péché, ben on a tout manqué le but. On ne l'a pas vécu, puis on ne vivra pas. Moi, j'aurais envie de penser, dans la sainteté, dans le sens fort, dans la foi et dans la connaissance de l'Évangile. Oui, je crois que... Ce qui va rendre, il va en parler au chapitre 4, on va avoir une explication toute claire, parce qu'il va dire, vous n'avez pas été appelé à ça, mais à ça. Donc là, il va nous donner une comparaison. Donc si je t'ai appelé à ça, tu ne devrais pas être là-dedans. Parce que là, il va me dire, ah, comme ça c'est l'opposé ici. Là. Si je t'ai appelé au blanc, tu ne devrais pas être dans le noir. Donc si tu es dans le noir, mais tu n'es pas correct, je t'ai appelé au blanc, puis tu es dans le noir, ça ne marche pas. Donc, ça va nous expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par sainteté, parce que c'est par l'appel de l'Évangile que j'ai été appelé à vivre dans la sainteté. Donc, si je ne suis pas dans la sainteté, je ne suis pas dans l'Évangile. C'est l'Évangile qui m'a appelé à la sainteté. Donc, ça veut dire quoi? Mais il ne dit pas que vous avez été appelé à ça et non pas à ça. Donc, là, ça va nous donner une compréhension que c'est l'opposé ici. Là. Donc, voilà que je pourrais dire, vous avez été appelé à un Dieu unique et non pas à plusieurs dieux. Si vous avez plusieurs dieux dans votre vie, vous êtes à côté de la coche. Et donc, c'est dans ce sens. Mais quand on dit là, d'être ferme dans la sainteté, ben maintenant on met le mot péché. Là, moi je me dis, bon, ben là, je vais être ferme à ne plus mentir. Ça ne m'aidera pas à persévérer. La plupart des gens qui croient ça, parce que c'est la majorité qui croit ça. Oui. Donc, c'est pas tous des deux pics, c'est des gens qui ont étudié aussi. C'est parce qu'ils partent en arrière avec d'autres compréhensions. Ils arrivent dans le texte avec une certaine compréhension. Donc, vous autres, ils vont dire, je t'appelle à la sainteté, donc tant que je force, tant que je prie, tant que je me bats contre le péché, tant que je fais ça, je suis correct. je suis dans la sainteté. Okay, donc, si je me laisse aller, puis que je ne convoque plus le péché, puis je ne prie pas sur le péché, puis je ne confesse pas le péché, puis je ne m'en éloigne pas du péché tant que je peux, je ne suis pas dans la sainteté. Donc, il arrive avec un bagage dans le texte. Mais même à ça, mettons, tu arrives avec un bagage, c'est comme si ta persévérance elle repose sur ton choix de. C'est plus une persévérance à garder le contenu. Il y a certains textes. Il y a des textes dans les Écritures qui parlent de ça. Donc, c'est pour ça qu'ils vont aller, aller dans cette direction-là aussi. Ça, je dis, ce n'est pas des gens qui n'ont pas réfléchi, c'est des gens qui ont étudié, qui ont réfléchi. Puis il y a des textes qui parlent de la sainteté dans le sens d'éloigner du péché. Okay? Donc, nous, ce qu'on essaie de comprendre, c'est dans Thessaloniciens que ça veut dire quoi. Okay? Dans Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir me dire? Parce que tout le chapitre 2 me parle d'affermissement, qui me parle de compléter la foi, qui me parle de marcher dans la foi, de garder. Donc, c'est ça qu'il est en train de me parler dans Thessaloniciens. Donc, s'il est en train de m'exhorter, comme dans Corinthiens, de m'éloigner du péché, m'éloigner de la débauche, m'éloigner de l'idolâtrie, là, j'étais là, OK, on s'en va dans cette direction. Mais là, c'est pas ça dont il parle ici. Okay? Donc, c'est toujours le contexte qui va nous donner la réponse. Mais on va voir comment Paul va définir tout à l'heure la sainteté. J'ai été appelé à ça. Donc, si j'abandonne, si je ne persévère pas dans la sainteté, ben je suis fait à l'os. Parce qu'il m'a appelé à la sainteté. Donc, c'est comme ça. Donc, si je dis, ben moi, je ne vis plus dans la sainteté, ben là, je suis fait parce que j'ai été appelé à la sainteté, puis je ne le vis pas. Donc, je suis fait à l'os. Donc, c'est pour ça qu'il faut la comprendre, ce terme-là. Puis, il ne faut pas faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas répondre par un négatif. Ça ne peut pas être ça, parce que c'est comme ça. Non? C'est ça que tu viens de faire. Ça ne peut pas être ça. C'est pas comme ça. Si le texte dit ça, c'est ça que ça veut dire. Il faut que je l'accepte. Même si ça contredit certaines pensées que j'ai. Mais je ne peux pas dire ça ne peut pas être ça, parce qu'ailleurs, ça dit autre chose. Mais là, je ne fais plus d'interprétation dans le contexte. Je fais l'interprétation à partir d'un autre texte. Il faut vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que Paul veut dire par. La sainteté ici, irréprochable dans la sainteté. Donc, il faut que j'ai aucun reproche à te faire dans la sainteté. Si j'ai des reproches à te faire, t'es fait. Donc, c'est ça qui est important de bien comprendre. Je suis en train de méditer sur 1 Timothée, 2 Timothée, puis il y a un terme qui n'est pas facile à cerner. C'est le mot conscience. Garde une bonne conscience. Garde une bonne conscience, Timothée. Ils ont abandonné une bonne conscience. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par conscience? Dans ma tête, j'ai déjà une idée de conscience. Moi. Mais c'est tout ça qu'il est en train de parler à Timothée. C'est tout ça que Paul avait comme idée quand il a écrit. Ça revient à 4-5 fois. Garde une bonne conscience, pour Timothée. Bonne conscience, mais là, qu'ils vont dire tout de suite, ah, ben, péché, une fois. C'est tout ça? Si c'est ça, c'est ça que je vais dire. Mais il faut que ce soit ça que c'est en train de dire. Mais ici, il parle. Au retour du Seigneur, moi, François, selon le texte que j'ai lu, il faut que je sois irréprochable dans la sainteté. C'est ce que la Bible me dit ici. Donc, il faut que j'interprète, ça veut dire quoi? Si je ne peux pas essayer de dire ça ne veut pas dire ça, ça ne veut pas dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est ça qu'il me dit, je veux que vous soyez irréprochable dans la sainteté. Donc, pour nous autres, on dit, mais là, on a tendance à penser, mais c'est pas atteignable, c'est pas atteignable. Mais pourtant, c'est le standard aussi qui est marqué là. Donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans ma réalité à moi de chrétien aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire avec le restant? Quand j'ai compris le verset qu'il y a là, là, je vais l'étendre avec les autres vérités que j'ai. Okay? Je ne dois pas prendre les autres vérités pour expliquer celui-là. Je veux dire, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Puis, qu'est-ce que Paul espère que les Thessaloniciens vont faire avec cette exhortation-là? Je prie que vous soyez trouvés, que Dieu vous affermisse et que pour que vous soyez irréprochables. Il va en parler un peu plus loin, il va dire, Dieu va vous rendre irréprochable, corps, esprit et âme. Donc, il va parler de ce don. C'est pas. C'est, des fois, quand on le voit, si ça vous fait peur, c'est peut-être parce que soit qu'on ne comprend pas, soit qu'on ne veut pas, mais on va dire, mais c'est Dieu qui me parle. Je ne devrais pas avoir peur quand Dieu me parle. C'est juste, il me dit, puis c'est, je vais essayer de comprendre ce que Dieu est en train de me dire, tout simplement. vu qu'il était pas là, je vais faire la parole du Seigneur. Oh, j'ai fermé ça, je ne suis pas habitué. Tournez avec moi dans Romains. Au chapitre 5. J'écoutais cette semaine trois hommes qui parlaient sur les sacrements. Dans le monde évangélique, les sacrements, c'est le repas du Seigneur et le baptême. On appelle ça les sacrements. Chez les Anglais, c'est un terme. Nous, on a une espèce d'aversion pour ça, parce qu'on est catholique. Mais dans le côté anglophone, les sacrements, c'est chez les évangéliques, c'est le repas du Seigneur et le baptême. Certains évangéliques vont rajouter la position des mains, d'autres de différentes façons. Mais en général, dans le monde évangélique, les sacrements, c'est le repas du Seigneur et le baptême. Donc j'écoutais des gens qui parlaient de ça. Mais que c'était dans d'autres dénominations que les baptistes. Donc, c'était. Au chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifié par la foi. » Épître aux Romains, si vous vous souvenez de quelque chose, l'Épître aux Romains, de ma part, c'est justification. L'Épître est au sujet de la justification. Donc, elle n'est pas au sujet de n'importe quoi d'autre, c'est justification par la foi sans les œuvres. De la loi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, nous avons été justifiés par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu et nous devons rendre grâce à Jésus-Christ. C'est par lui que nous avons eu cette justification-là qui nous donne la paix avec Dieu. OK? Donc, là, il dit, c'est pour ça qu'on demeure ferme là-dedans, parce que c'est le seul moyen d'avoir été justifié. Verset 3, « Bien plus, nous nous glorifions même de l'affliction, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué par Dieu, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être pourrait mourir pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, qui est équivalent pour moi sans force, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc, l'apôtre Paul, ici, base sa justification, qui va être suivie par sa réconciliation, sur la mort de Jésus. Et je vous l'ai dit, c'est pas tellement longtemps, la croix, c'est un acte de justice. C'est un juge qui juge quelqu'un, qui le trouve coupable et qui le condamne. C'est ce qui s'est passé à la croix. Le juge qui est Dieu regarde le Fils qui est devenu coupable à cause des péchés de son peuple. Et Dieu, en tant que juge, amène la sentence, donne la mort à ce personnage-là. La justice a été accomplie. Par la foi, nous participons à ça. Par la foi, nous attachons à ce jugement de Dieu qui a amené la mort sur Jésus-Christ et qui amène la mort sur nous. La mort, pour nous, elle est comme en arrière, je peux dire ça comme ça. Nous, on se lève, on regarde la mort vers en avant, mais la mort, elle peut partir en arrière. Nous avons vaincu la mort en nous attachant à Jésus-Christ. Donc, c'est ça qu'il y a certains d'entre nous qui ne mourront pas. Si le Seigneur revient, on part, on ne meurt pas. Donc, tu sais, pourquoi qu'on ne mourra pas quand tout le monde devrait mourir? C'est parce que, tout simplement, la mort, pour nous, elle est passée. On est mort avec Jésus-Christ. Et un mort, selon la justice, les hommes même, un mort est toujours juste. Du coup, qui est mort, il est juste. Il a subi sa peine. Il est devenu juste maintenant. Il est mort. Il méritait la mort. Il est mort. Il est juste. Donc, le gars qui est dans ta tombe, on pourrait dire, c'est un juste. Parce qu'il a subi la condamnation qu'il méritait. Jésus lui a sorti de là. Donc, ils vont revenir à la vie. Donc, c'est un autre domaine. Mais il faut se rappeler que ce que Jésus veut qu'on se souvienne à travers le repas du Seigneur, c'est de cette action-là. Parce que les êtres humains, c'est vous, les êtres humains, on essaie de se montrer juste. On voudrait donc que les gens nous voient comme juste. On est prêt à faire n'importe quoi. Mentir, toutes sortes d'affaires qu'on est prêt à faire pour être vu juste par les gens. Pas coupable. Les enfants, ils apprennent ça dès qu'ils savent dire trois mots. C'est pas moi! Tout de suite, ils sont capables, ils veulent pas penser pour le coupable. C'est pas moi! Il ne faut pas avoir peur de ça, de reconnaître, dire, ben, oui, je suis mort avec lui. Je suis mort par la foi, je suis attaché, donc je suis en paix avec Dieu. Je ne peux pas augmenter la justice. La justice, c'est comme d'autres parties de ma vie chrétienne, la justification, c'est ponctuel. C'est quelque chose qui se fait une fois dans la vie du croyant. J'ai été déclaré juste, je suis juste pour toi. Je ne peux pas améliorer ma justice, je ne peux pas être plus juste qu'avant. Je suis juste. Donc, ce n'est pas quelque chose qui dure, comme mettons, la persévérance va durer, la fermeté doit continuer. Mais la justice, c'est quelque chose que Dieu m'a rendu juste par la foi, une fois, et c'est terminé. C'est ce que Dieu fait ici. Et cette justice-là étant obtenue, ça va être suivi par la réconciliation. Donc, il va me réconcilier. Maintenant, je suis devenu juste. Parce que Dieu ne se réconcilie pas avec des non-justes. C'est de mal connaître Dieu de penser que Dieu va se réconcilier avec des gens injustes. Donc, ce qu'il veut faire avec les injustes, c'est les détruire. Parce qu'il veut les condamner, il veut les juger, les condamner. C'est ça que ça fait, un juste juge. Mais Dieu va se réconcilier avec des gens juste, justifié. Et je crois que c'est un des points centraux de la foi. C'est pour ça que je crois que c'est ça que Jésus veut qu'on se souvienne. Il veut qu'on se souvienne que par la croix, par la mort de Jésus, on a été justifié. Et nous sommes maintenant dans la position d'être réconciliés, d'aller dans sa présence, de le servir. C'est le fondement, c'est la justice. Et si vous remarquez, la plupart du temps dans les épîtres, Paul va se battre avec ce point doctrinal-là dans les églises. C'est toujours ce point-là qu'on attaque, même chez les Galatiens, chez les Corinthiens. On attaque ce point-là dans l'église. La justice, et ce que j'écoutais cette semaine, ces trois chrétiens-là qui parlaient du sacrement, et là, il y a un mouvement qui est en train de se faire encore une fois dans le monde évangélique aux États-Unis. Un mouvement que c'est plus que ça, le repas du Seigneur. C'est pas juste se rappeler. Donc, on veut aller chercher quelque chose de plus là-dedans. Un peu comme Martin Luther, ou des gens comme ça qui voyaient plus. John Piper voit un peu plus que juste une mémoire. Donc c'est-tu une réalité ou pas? Est-ce qu'on doit aller chercher quelque chose de plus? Mais selon nous, ce que nous on comprend dans les Écritures présentement, ce que je comprends dans les Écritures, c'est que celui qui a institué le repas du Seigneur l'a dit c'est un rappel, de se rappeler. Mais il ne faut pas minimiser non plus la force du souvenir, la force de se rappeler quelque chose. Ça, ça va produire quelque chose, de me rappeler. Donc, c'est pas non plus inefficace de se rappeler quelque chose. Je me rappelle, il y a des gens qui paniquent juste parce qu'ils se rappellent d'un événement choquant du passé, ils paniquent. Puis il y en a d'autres qui sont sur des airs. Ah, tu sais, le temps sourit, ah, je me rappelle, c'est le portier, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, le rappel peut causer de la joie, ou peut causer aussi de la peine, ou de la tristesse, ou de la peur. Donc, il dit, quand vous allez vous rappeler, ça devrait produire en nous quelque chose, de se rappeler ce que Jésus a fait. Donc, mais c'est, je ne dois pas vouloir produire ça, mais de méditer sur quelque chose qui est dans le passé, et ça va produire en moi quelque chose. Mais c'est, parce que ça ne donne rien de se rappeler juste pour se rappeler, si ça ne fait rien dans la vie du croyant. Donc, c'est rappeler, c'est quelque chose qui, moi, je crois que de se rappeler, ça donne une force dans la vie des gens, de se rappeler quelque chose d'important, ça fait ça. Donc, en prenant le repas du Seigneur, on va se rappeler qu'on a été justifié par sa mort. Donc, cette justice-là, si je doute que je l'ai, il faut que je retourne en arrière, comment que ça s'obtient la justice, qu'est-ce que Dieu a fait pour me déclarer juste, il faut que je me retourne à ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, pour ramener la paix à l'intérieur de moi avec Dieu. Donc si ma paix avec Dieu est chamboulée, il dit, mais ok, la paix ça s'obtient par la justice ça s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Donc est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai fait, est-ce que je le maintiens, est-ce que je suis ferme dans cette vérité-là? Donc automatiquement, la paix de Dieu va être là. Donc, on va prendre ce repas, on va prendre le temps de méditer là-dessus. Et je vais demander à Chantal, puis bon, si vous venez passer le repas, s'il vous plaît. Donc le Seigneur Jésus, en prenant le repas pascal, qui est devenu le repas du Seigneur, il a pris un morceau de pain et l'a déchiré, symbolisant ainsi que son corps serait déchiré dans la nuit qui était pour suivre et qui était pour être meurtri, couronné, cloué, pour accomplir, que Dieu accomplisse la justice. L'être humain méritait cette souffrance-là. Rien qu'ils ont subi. On ne méritait pas une mort d'un arrêt cardiaque dans la nuit, une belle mort, comme on disait. On ne méritait pas une belle mort, on méritait une mort de souffrance. C'est pour ça que Jésus a subi la mort de souffrance. Donc, en prenant le pain, on se rappelle que Jésus, notre représentant, a subi des souffrances physiques pour notre justification. Mangeons ensemble. Les souffrances ont été assez fortes qui ont amené la mort, finalement. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort de ses souffrances? Je crois que oui. Il n'est pas juste, Dieu dit, bon, là, tu as souffert, mort. Donc, il est mort de ses souffrances. Donc, le sang a coulé, la mort était... toutes les... ce qu'il avait subi a entraîné la mort. Ça, c'est une facette. Si on va voir une autre facette, il a donné sa vie, là. Okay? Non, mais en même temps, dans cette facette de la mort, c'est quelque chose qui a subi la mort de la part de Dieu. Dieu l'a fait mourir. Les hommes ont été les instruments, bien entendu. Donc, en prenant la coupe, on se souvient que, étant mort, Dieu est satisfait. Dieu est satisfait parce qu'il a satisfait sa justice en faisant mourir notre présentateur. Buvons en sa mémoire. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient rendre grâce à Dieu? Derrière tout ça encore, il y a le désir que nous te soyons d'une immense reconnaissance. On est insatiable d'en apprendre de plus en plus sur toi, d'un dimanche à l'autre, ou dans, quand je m'expose à écouter des enseignements, je m'étonne de la richesse et de tous les petits détails qui viennent compléter peu à peu ce qui est tellement bon à notre âme. Je te remercie Dieu pour les frères et sœurs qu'il y a ici et pour, je te pense à Gaëtan aussi, Seigneur, qui n'est pas là et qui nous manque, et que tu as ton regard sur lui, que tu le soutiennes et que ça aille bien dans ce que toi tu as prévu pour nous. Amen. L'apôtre Paul nous dit dans le texte qu'on a lu que la justice s'obtient par la foi dans la mort de Jésus. En même temps, il dit, je veux que vous restiez fermes là-dedans. C'est ce qu'on a vu avec les Thessaloniciens. Restez fermes. Seigneur, quand nous nous questionnons, quand notre chair nous pousse dans une autre direction en ce qui concerne la justice, quand le monde nous pousse dans une autre direction en ce qui concerne la justice devant Dieu, quand le tentateur vient et qu'il veut nous pousser qu'on s'éloigne de cette justice qui vient de Dieu seul en Jésus-Christ, fait qu'on se rappelle. Fait qu'on se rappelle ce que tu as fait. Fait que notre mémoire se souvienne de ce que tu as accompli afin qu'on soit juste. Il y a tellement de mouvements religieux qui ont abandonné cette justice qui vient de Christ seul. Et qui ont ajouté toutes sortes de choses. Même au temps de Paul, on voulait ajouter la circoncision. Au temps de l'Épître aux Hébreux, on voulait ajouter des sacrifices. Donne-nous de se rappeler que le seul moyen d'être justifié, c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est la seule chose. Seigneur, la semaine qui va se dérouler devant nous, on veut vivre l'Évangile. On veut vivre cet Évangile-là au quotidien, je pourrais dire. Cette bonne nouvelle qui nous a transportés dans le royaume de ton amour, dans le royaume de la lumière, on veut la vivre au quotidien. La montrer, la manifester, la proclamer. Puisses-tu, Seigneur, utiliser ton corps, parce que nous sommes ton corps, pour ta gloire. Et on te demande, Seigneur Dieu, que de retour ensemble la semaine prochaine, on va pouvoir se réjouir qu'on a, dans ta grâce, persévéré une autre semaine, jusqu'à temps que tu viennes nous chercher.